Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette belle soirée de réveillon de Noël. Nous allons assister à une représentation du mariage de Figaro de Beaumarchais, ici à la Comédie Française. Alors cette pièce a été créée en 1784 par les comédiens du Français. Pas dans ce théâtre, il n'existait pas, mais au théâtre de l'Odéon, juste de l'autre côté de la Seine. Ce théâtre, quant à lui, a été créé en 1799 à la mort de Beaumarchais. Le mariage de Figaro, Beaumarchais, contrairement à ce que son nom peut indiquer, de Beaumarchais, eh bien il n'était pas noble, pas du tout, c'était un fils d'horloger. Il deviendra d'ailleurs comme son père, horloger lui-même. Regardez, son buste est juste là, dans le hall de la Comédie Française. Il est juste à côté, bien sûr, de celui de Molière, qui, vous le savez, est le patron de tous les comédiens. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est donc né Caron, tout simplement. Mais comme son destin a été absolument remarquable, il est très rapidement devenu horloger du roi Louis XV, puis maître de musique de ses filles, les demoiselles. Il séduit la Pompadour, rencontre le responsable des finances, celui-ci décède, il épouse sa veuve, qui s'appelle Beaumarchais. Et voilà, monsieur de Beaumarchais est né. Bonsoir. Merci. Bon, au premier étage, par ici. Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Donc cette pièce a été créée en 1784 et alors elle a fait un succès extraordinaire. C'est d'ailleurs le plus grand succès au théâtre du 18e. Pourquoi ? Sans doute grâce à Figaro. Ce personnage créé déjà pour la pièce précédente de Beaumarchais, le barbier de Séville. Mais pourquoi ce Figaro, l'insolent, plaît-il autant ? Sans doute, certainement d'ailleurs, parce qu'il est insolent. C'est dans sa bouche qu'on entend ces mots qui claquent comme un slogan. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Figaro, c'est l'homme qui se dresse contre les privilèges. C'est pour ça qu'il plaît au peuple français. Et oui, n'oublions pas, nous sommes en 1784. La révolution pointe le bout de son nez. Vous cherchez ? Vous êtes déjà installé ? Non, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Juste dans la loge à côté. D'accord, merci beaucoup. Vous l'avez compris, le spectacle va commencer dans quelques instants. Je vous donne rendez-vous à l'entracte avec Laurent Stocker. C'est le comédien qui incarne Figaro ce soir à la Comédie Française. Alors surtout, vous restez avec nous. Il va nous faire visiter l'envers du décor. Je vous souhaite un excellent spectacle. Je crois qu'il arrive. Sur 26. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille et doux, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Mais que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore? Elle me déplaît. On dit une raison. Si je n'en veux pas dire. Oh, quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison serait accorder que je puisse avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en deux pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en trois sons, me voilà rendu. Fort bien, mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en deux pas, il est à ma porte. Et crac, en trois sons. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Et qu'est-ce qu'il y a? Bon Dieu! Il y a, mon ami, que là, de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château. Mais

Laissons ces folies. Enfin, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire... Que si je ne voulais pas l'entendre, il allait protéger Marceline. Il ne m'aime plus du tout. Pourquoi tant de jalousie? Comme tous les maris, ma chère. Uniquement par orgueil. Ah! Je l'ai trop aimé. Je l'ai lassé de mes tendresses et fatigué de mon amour. Voilà mon seul tort avec lui. Mais je n'entends pas que cet honnête aveu te nuise. Et tu épouseras, Figaro. Lui seul peut nous y aider. Viendra-t-il? Dès qu'il verra partir la chasse. Ouvre un peu la croisée sous le jardin. Il fait une chaleur ici. C'est que madame parle et marche avec action. Sans cette constance à me fuir. Les hommes sont bien coupables. Ah, voilà monseigneur qui traverse le grand potager suivi de Pédrille avec ses lévriers. Nous avons du temps devant nous. On frappe, Susan. Ah, c'est mon Figaro. C'est mon Figaro. Mon cher ami, viens donc, madame est dans une impatience. Et toi, ma petite Suzanne? Madame n'en doit prendre aucune. Au fait, de quoi s'agit-il? D'une misère. Monsieur le comte trouve notre jeune femme aimable, il voudra en faire sa maîtresse, et c'est bien naturel. Naturel? Puis il m'a nommé courrier de dépêche, et Suzon, conseiller d'ambassade. Il n'y a pas là d'étourderie. Tu finiras. Et parce que Suzanne, ma fiancée, n'accepte pas le diplôme, il va favoriser les vues de Marceline. Quoi de plus simple encore? Se venger de ce qui nuise à nos projets en renversant les leurs, c'est ce que chacun fait, ce que nous allons faire nous-mêmes, et ben voilà tout pourtant. Pouvez-vous, Figaro, traiter si légèrement un dessein qui nous coûte à tous le bonheur? Qui dit cela, madame? Au lieu de t'affliger de nos chagrins... N'est-ce pas assez que je m'en occupe? Or, pour agir aussi méthodiquement que lui, tempérons d'abord son ardeur de nos possessions en l'inquiétant sur les siennes. C'est bien dit, mais comment? C'est déjà fait, madame. Un faux avis donné sur vous. Sur moi? La tête vous tourne? Oh, c'est à lui qu'elle doit tourner. Un homme aussi jaloux? Tant mieux! Je vous ai fait rendre à Basile un billet inconnu, lequel avertit monseigneur qu'un galant doit chercher à vous voir aujourd'hui pendant le bal. Et vous vous jouez ainsi de la vérité sur le compte d'une femme d'honneur? Il y en a peu, madame, avec qui je l'eusse osé, crainte de rencontrer juste. Il faudra que je l'en remercie. Mais dites-moi s'il n'est pas charmant de lui avoir taillé ces morceaux de la journée, de façon qu'il passe à rôder, à jurer après sa dame, le temps qu'il destinait à se complaire avec la nôtre. Il est déjà tout dérouté. Galopera-t-il celle-ci? Surveillera-t-il celle-là? Dans son trouble d'esprit, tenez, tenez, le voilà qui court la plaine et force un lièvre qui n'en peut mais. L'heure du mariage arrive en poste, il n'aura pas pris de parti contre et jamais il n'osera s'y opposer devant madame. Non, mais Marceline, le bel esprit, osera le faire, elle. Brrr, cela m'inquiète bien, ma foi. Tu feras dire à monseigneur que tu te rendras sur la brune au jardin. Tu comptes sur celui-là? Dame, écoutez donc! Les gens qui ne veulent rien faire de rien, n'avancent rien et ne sont bons à rien. Voilà mon mot. Il est joli. Comme son idée, vous consentiriez qu'elle s'y rendît? Point du tout. Je fais endosser un habit de Suzanne à quelqu'un. Surpris par nous au rendez-vous. Le comte pourra-t-il s'en dédire? À qui mes habits? Chérubin. Il est parti. Non, pas pour moi. Veut-on me laisser faire? On peut s'en fier à lui pour mener une intrigue. Deux, trois, quatre à la fois, bien embrouillés qui se croisent. J'étais né pour être courtisan. On dit que cette amitié est si difficile. Recevoir, prendre et demander, voilà le secret en trois mots. Il a tant d'assurance qu'il finit par m'en inspirer. C'est mon dessein. Tu disais donc... Que pendant l'absence de monseigneur, je vais vous envoyer le chérubin. Coiffez-le, habillez-le, je le renferme et... l'endoctrine et puis... dansez, monseigneur. Mon Dieu, Suzon, comme je suis faite, ce jeune homme qui va venir. Madame, ne veut donc pas qu'il en réchappe. Moi? Tu verras comme je vais le gronder. Faisons-lui chanter sa romance. Mais c'est qu'en vérité, mes cheveux sont dans un désordre. Je n'ai qu'à reprendre ces deux boucles. Madame le grondera bien mieux. Qu'est-ce que vous dites donc, mademoiselle? son invisible. Ah, que ce nom m'afflige, madame. Il m'apprend qu'il faut quitter des lieux une marraine si bonne. Et si belle. Ah oui. Ah oui. Le bon jeune homme, avec ses longues paupières hypocrites. Allons, bel oiseau bleu, chantez la romance à madame. De qui dit-on qu'elle est? Voyez la rougeur du coupable. En a-t-il un pied sur les joues? Est-ce qu'il est défendu de chérir? Je dirais tout, vaut rien. Là, chante-t-il? Oh, madame, je suis si tremblant. Dès que madame le veut, modeste auteur, je vais l'accompagner. Mon coursier hors d'haleine, que mon cœur a de peine. J'errai de plaine en plaine, au gré du destrier, au gré du destrier. S'en va l'aîné écuyer, là près d'une fontaine, que mon cœur a de peine. Songeant à ma marraine, sentais mes pleurs couler, sentais mes pleurs couler, prêt à me désoler. Je gravais sur un frêne, que mon cœur a de peine. Sa lettre sans la mienne, le roi vint à passer. Le roi vint à passer, ses barons sont clergés. Beau page, dit la reine, que mon cœur a de peine. Qui vous met à la gêne, qui vous fait tant pleurer, qui vous fait tant pleurer, nous faut le déclarer. Madame est souveraine, que mon cœur a de peine. J'avais une marraine, que toujours adorée, que toujours adorée. Je sens que j'en mourrai. Il y a de la naïveté, du sentiment même. Oh. Pour du sentiment, c'est un jeune homme qui... À ça, monsieur l'officier, vous a-t-on dit que pour égayer notre soirée, nous voulons savoir d'avance si un de mes habits vous ira passablement? J'ai peur que non. Il est de ma grandeur. Ôtons d'abord le manteau. Et si quelqu'un entrait? Est-ce que nous faisons du mal, donc? Je vais fermer la porte, mais... C'est la coiffure que je veux voir. Sur ma toilette, une baigneuse à moi. Jusqu'à l'instant du bal, le comte ignorera que vous soyez au château. Nous lui dirons, après, que le temps d'expédier votre brevet nous a fait naître l'idée... Hélas, madame, le voici. Basile me l'a remis de sa part. Déjà ? L'on a craint d'y perdre une minute. Ils se sont empressés qu'ils ont oublié d'y mettre son cachet. Le cachet à quoi? À son brevet. Déjà? C'est ce que je disais. Est-ce là, ma baigneuse? Et la plus belle de toutes. Thank you. j'en suis jalouse. Voulez-vous bien n'être pas jolie comme ça? Ce matin, comptant partir, j'arrangeais la gourmette de mon cheval. Il a donné de la tête et la bossette m'a effleuré le bras. On n'a jamais mis un ruban. Et surtout un ruban volé. Voyez donc ce que la bossette, la courbette, la cornette du cheval. Je n'entends rien tous ces noms-là. Oh ! Qu'il a le bras blanc. Mais c'est comme une femme. Plus blanc que le mien. Mais regardez donc, madame. Occupez-vous plutôt de m'avoir du taffetas gommé dans ma toilette. Pour mon ruban, monsieur, comme c'est celui dont la couleur m'agrée le plus, j'étais fort en colère de l'avoir perdu. La ligature à son bras. En allant lui chercher Théarde, prends le ruban d'un autre bonnet. Celui qui m'est ôté m'aurait guéri en moins de rien. Par quelle vertu? Ceci vaut mieux. Quand un ruban a serré la tête ou touché la peau d'une personne... étrangère? Il devient bon pour les blessures. J'ignorais cette propriété. Pour l'éprouver, je garde celui-ci qui vous a serré le bras. À la première égratignure de mes femmes, j'en ferai l'essai. Vous le gardez et moi je pars. Non, pour toujours. Je suis si malheureux. Il pleure à présent. C'est ce vilain Figaro avec son pronostic. Oh, je voudrais toucher au terme qu'il m'a prédit. Sûr de mourir à l'instant, peut-être ma bouche oserait... Taisez-vous. Enfant, il n'y a pas un brin de raison dans tout ce que vous dites. Qui frappe ainsi chez moi? Au collant, fermé! C'est mon époux. Grand Dieu! Vous, sans manteau, le col et les bras nus, seul avec moi, cet air de désordre, un billet reçu, sa jalousie! Je ne voudrais pas! C'est que... je suis seule! Seule! Avec qui parlez-vous donc? Avec vous, sans doute! Après les scènes d'hier et de ce matin, il me tuerait sur place! Oh, quelle faute! Vous n'êtes pas dans l'usage de vous enfermer? Je chiffonnais. Oui, je chiffonnais avec Suzanne. Elle est passée un moment chez elle. Vous avez l'air et le ton bien altérés. Cela n'est pas étonnant. Pas étonnant du tout, je vous assure. Nous parlions de vous. Elle est passée, comme je vous dis. Vous parliez de moi. Je suis ramené par l'inquiétude. En montant à cheval, un billet qu'on m'a remis, mais auquel je n'ajoute aucune foi, m'a pourtant agité. Comment, monsieur? Quel billet? Il faut avouer, madame, que vous ou moi sommes entourés d'êtres bien méchants. On me donne avis que, dans la journée, quelqu'un que je crois absent doit chercher à vous entretenir. Quel que soit cet audacieux, il faudra... qu'il pénètre ici, car mon projet est de ne pas quitter ma chambre de tout le jour. Ce soir, pour la noce de Suzanne. Pour rien au monde. Je suis très incommodée. Heureusement, le docteur est ici. Quel bruit entends-je ? Du bruit ? On a fait tomber un meuble. Je n'ai rien entendu pour moi. Il faut que vous soyez furieusement préoccupée. Préoccupée ? De quoi ? Il y a quelqu'un dans ce cabinet, madame. Hé ! Qui voulez-vous qu'il y ait, monsieur ? C'est moi ! Qui vous le demande ? J'arrive. Mais Suzanne, apparemment, qui ronge. Vous avez dit qu'elle était passée chez elle. Passée ou entrée, là, je ne sais lequel. Si c'est Suzanne, d'où vient le trouble, où je vous vois. Dis du trouble, pour ma camariste. Pour votre camariste, je ne sais, mais pour du trouble, assurément. Assurément, monsieur, cette fille vous trouble. Et vous occupe beaucoup plus que moi. Elle m'occupe à tel point, madame, que je veux la voir à l'instant. Je crois en effet que vous le voulez souvent. Mais voilà bien, les soupçons les moins fondés. Ils en seront plus aisés à détruire. Sortez, Suzanne, je vous l'ordonne. Elle est presque nue, monsieur. Vient-on ainsi troubler des femmes dans leur retraite ? Elle essayait des hardes que je lui donne en la mariant. Elle s'est enfuie quand elle vous a entendu. Si elle craint tant de se montrer, au moins, elle peut parler. Répondez-moi, Suzanne ! Êtes-vous dans ce cabinet ? Suzanne, je vous défends de répondre ! On n'a jamais poussé si loin la tyrannie ! Oh ! Bien ! Puisqu'elle ne parle pas, vêtue ou non, je la verrai ! Partout ailleurs, je ne puis l'empêcher. Mais j'espère aussi que chez moi... Et moi, j'espère savoir dans un moment quelle est cette Suzanne mystérieuse. Vous demander la clé serait, je le vois, inutile, mais il est un moyen sûr de jeter en dedans cette légère porte. Voilà, quelqu'un... Attirez vos gens et faire un scandale public d'un soupçon qui nous rendrait la fable du château. Fort bien, madame. En effet, j'y suffirai. Je vais à l'instant prendre chez moi ce qu'il faut. Mais pour que tout reste au même état, voudrez-vous bien m'accompagner ? Sans scandale et sans bruit, puisqu'il vous déplaît tant. Une chose aussi simple, apparemment, ne me sera pas refusée. Hé, hey, monsieur, qui songe à vous contrarier ? Ah, j'oubliais la porte qui va chez vos femmes. Il faut que je la ferme aussi, pour que vous soyez pleinement justifiée. Oh, ciel étourderie funeste ! Maintenant que cette chambre est close, acceptez mon bras, je vous prie. Et quant à la Suzanne du cabinet, il faudra qu'elle ait la bonté de m'attendre et le moindre mal qui puisse lui arriver à mon retour. En réalité, monsieur, voilà bien la plus odieuse aventure. Ouvrez, chérubin, ouvrez vite, c'est Suzanne. Ouvrez, sortez. Ah, Suzanne, quelle horrible scène. Sortez, vous n'avez pas une minute. Mais par où sortir? Je n'en sais rien, mais sortez. Mais s'il n'y a pas d'issue. Après la rencontre de tantôt, il vous écraserait. Et nous serions perdus. Courez compter à Figaro. La fenêtre du jardin n'est peut-être pas bien haute. Un grand étage. Impossible. Oh, ma pauvre maîtresse. Et mon mariage au ciel. Elle donne sur la melonnière. Quitte à gâter une couche ou deux. Il va se tuer. Dans un gouffre allumé, Suzanne. Oui, je m'y jetterai plutôt que de lui nuire. Et ce baiser va me porter bonheur. Il est déjà bien loin. Ah, le petit garnement, aussi leste que joli. Si celui-là manque de femme, prenons sa place au plus tôt. Vous pouvez à présent rompre la cloison, monsieur le comte, si cela vous amuse. Oh, diantre qui répond à un mot. Tout est bien, comme je l'ai laissé. Voilà. En m'exposant à briser cette porte, réfléchissez au sud. Encore une fois, voulez-vous le voir ? Eh, hey, monsieur, quelle horrible humeur peut altérer ainsi les égards entre deux époux ? Si l'amour vous dominait au point de vous inspirer ces fureurs, malgré leur déraison, je les excuserais. J'oublierais peut-être en faveur du motif ce qu'elles ont d'offensant pour moi. Mais la seule vanité peut-elle jeter dans cet excès un galant homme. Amour, vanité, vous ouvrez la porte ou je vais à l'instant. Arrêtez, monsieur, je vous prie. Me croyez-vous capable de manquer à ce que je me dois? Ce qu'il vous plaira, madame. Mais je verrai qui est dans ce cabinet. Eh bien, monsieur, vous le verrez. Écoutez-moi tranquillement. Ce n'est donc pas Suzanne. Au moins, n'est-ce pas non plus une personne dont vous deviez rien redouter? Nous disposions une plaisanterie. Bien innocente, en vérité, pour ce soir. Et je vous jure... Vous me jurez ? Que nous n'avions pas plus de dessein de vous offenser l'un que l'autre. L'un que l'autre ? C'est un homme ? Un enfant, monsieur. Et qui donc ? À peine osais-je le nommer. Je le tuerai. Oh Dieu ! Parlez donc. Ce jeune... Chérubin. Chérubin. L'insolent. Voilà mes soupçons et le billet expliqué. Oh, monsieur, gardez de penser. Je trouverai partout ce maudit page. Alors, madame, ouvrez. Je sais tout, maintenant. Vous n'auriez pas été si ému en le congédiant ce matin. Il serait parti quand je l'ai ordonné. Vous n'auriez pas mis tant de fausseté dans votre compte de Suzanne. Il ne se serait pas si soigneusement caché s'il n'y avait rien de criminel. Il a craint de vous irriter en se montrant. Sordon, petit malin. Monsieur, votre colère me fait trembler pour lui. N'en croyez pas un injuste soupçon, de grâce. Et que le désordre où vous l'allez trouver... Du désordre? Hélas, oui. Prête à s'habiller en femme. Une coiffure à moi sur la tête. En veste et sans manteau, le col ouvert, les bras nus. Il allait essayer. Et vous vouliez garder votre champ? Indigne épouse. Ha! Vous la garderez longtemps. Mais il faut avant que j'en chasse un insolent de manière à ne plus le rencontrer nulle part. Oh, monsieur le comte, épargnez un enfant. Je ne me concevrai pas d'avoir causé. Mon frayeur aggrave son crime. Il n'est pas coupable, il partait. C'est moi qui l'ai fait appeler. Levez-vous. Ôtez-vous. Quelle est l'audacieuse dont je me parlais pour un autre? Eh bien, monsieur, je me lèverai. Je m'ôterai, je vous remettrai même la clé du cabinet, mais au nom de votre amour. Ton amour? Perfide. Promettez-moi que vous laisserez aller cet enfant sans lui faire aucun mal. Et puisse après tout votre courroux tomber sur moi si je ne vous convainc pas. Je n'écoute plus rien. Ah, ciel! Il va périr. C'est Suzanne. Je le tuerai. Je le tuerai. Tuez-le donc, ce méchant page. Ha! Quelle école! Et vous aussi, vous jouez l'étonnement. Mais peut-être elle n'y est pas seule! Remettez-vous, madame, il est bien loin. Il a fait un saut. Adieu, Suzanne, je suis morte. Il n'y a personne. Et pour le coup, j'ai tort. Madame, vous jouez fort bien la comédie. Et moi, monseigneur? Quoi, madame, vous plaisantiez? Et pourquoi non, monsieur? Quel affreux badinage! Et quel motif, je vous prie! Vos folies méritent-elles de la pitié? Non, mais folie, ce qui touche à l'honneur... Me suis-je unie à vous pour être éternellement dévouée à l'abandon et à la jalousie que vous seul osez concilier? Ah, madame! C'est sans ménagement! Madame n'avait qu'à vous laisser appeler les gens. Tu as raison. Et c'est à moi de m'humilier. Pardon. Je suis d'une confusion... Avouez, monseigneur, que vous la méritez un peu. Pourquoi donc ne sortais-tu pas lorsque je t'appelais, mauvaise? Je me rhabillais de mon mieux à grand renfort d'épingle. Et madame, qui me le défendait, avait bien ses raisons pour le faire. Au lieu de rappeler mes torts... Aide-moi plutôt à l'apaiser. Non, monsieur. Un pareil outrage ne se couvre point. Je vais me retirer aux Ursulines. Je vois trop qu'il en est temps. Le pourriez-vous, sans quelque regret? Je suis sûre, moi, que le jour du départ serait la veille des larmes. Mais quand cela serait, Suzon, j'aime mieux le regretter que d'avoir la bassesse de lui pardonner. Il m'a trop offensée. Rosine. Je ne la suis plus. Cette Rosine que vous avez tant poursuivie. Je suis la pauvre comtesse Almaviva, la triste femme délaissée que vous n'aimez plus. Madame! Par pitié! Vous n'en aviez aucune pour moi. Mais aussi ce billet, il m'a tourné le sang. Je n'avais pas consenti qu'on l'écrivît. Vous le saviez? C'est cet étourdi de Figaro. Il en était? Qui l'a remis à Basile. Qui m'a dit le tenir d'un paysan? Oh! Perfide chanteur! L'âme à deux tranchants! C'est toi qui paieras pour tout le monde! Vous demandez pour vous un pardon que vous refusez aux autres. Voilà bien les hommes. Ah, si jamais je consentais à pardonner en faveur de l'erreur où vous a jeté ce billet, j'exigerais que l'amnistie fût générale. Eh bien, de tout mon cœur, comtesse. Mais comment réparer une faute aussi humiliante? Elle l'était pour tous deux. Ah, dites pour moi seule. Mais je suis encore à concevoir comment les femmes prennent si vite est si juste, l'air et le ton des circonstances. Vous rougissiez, vous pleuriez, votre visage était défait. D'honneur, il l'est encore. Je rougissais du ressentiment de vos soupçons. Mais les hommes sont-ils assez délicats pour distinguer l'indignation d'une âme honnête outragée d'avec la confusion qui naît d'une accusation méritée? Et ce page, en désordre, en veste et presque nu. Vous le voyez devant vous. N'aimez-vous pas mieux l'avoir trouvé que l'autre? En général, vous ne haïssez pas de rencontrer celui-ci? Mais ces prières, ces larmes feintes... Vous me faites rire, et j'en ai peu d'envie. Nous croyons valoir quelque chose en politique, et nous ne sommes que des enfants. C'est vous. C'est vous, madame, que le roi devrait envoyer en ambassade à Londres. Il faut que votre sexe ait fait une étude bien réfléchie de l'art de se composer pour réussir à ce point. C'est toujours vous qui nous y forcez. Laissez-nous prisonniers sur parole, et vous verrez si nous sommes gens d'honneur. Brisons-la, monsieur le comte. J'ai peut-être été trop loin. Mais mon indulgence en un cas aussi grave doit au moins m'obtenir la vôtre. Mais vous répéterez que vous me pardonnez. Est-ce que je l'ai dit, Suzon? Je n'ai pas entendu, madame. Eh bien, que ce mot vous échappe. Le méritez-vous donc, ingrat? Oui, par mon repentir. Soupçonner un homme dans le cabinet de madame? Elle m'en a si sévèrement puni. Ne pas s'en fier à elle quand elle dit que c'est sa camarade. Rosine, êtes-vous donc implacable? Oh, Suzon, que je suis faible. Quel exemple je te donne. On ne croira plus à la colère des femmes. Bon, madame, avec eux, ne faut-il pas toujours en venir là? Qui c'est, madame incommodée? Je suis vite accouru. Je vois avec joie qu'il n'en est rien. Vous êtes fort attentif. Et c'est mon devoir. Mais puisqu'il n'en est rien, monseigneur, tous vos jeunes vassaux des deux sexes sont en bas, avec les violons et les cornemuses, attendant pour m'accompagner l'instant où vous permettrez que je m'aide ma fiancée. Et qui surveillera la comtesse au château? La veillée? Elle n'est pas malade. Non, mais cet homme absent qui doit l'entretenir. Quel homme absent? L'homme du billet que vous avez remis à Basile. Qui dit cela? Quand je ne le serai pas d'ailleurs, frépon. Ta physionomie qui t'accuse me prouverait déjà que tu mens. S'il en est ainsi, ce n'est pas moi qui mens, c'est ma physionomie. Pas, mon pauvre Figaro, n'eusse pas ton éloquence en défaite, nous avons tout dit. Mais quoi dit? Vous me traitez comme un Basile. Tu avais écrit le billet de tantôt pour faire accroire à monseigneur, quand il entrerait, que le petit page était dans ce cabinet où je me suis enfermée. Qu'as-tu à répondre? Il n'y a plus rien à cacher, Figaro. Le badinage est consommé. Le badinage est consommé? Oui, consommé. Que dis-tu là-dessus? Moi, je dis que je voudrais bien qu'on en pût dire autant de mon mariage, et si vous l'ordonnez... Tu conviens donc enfin du billet! Puisque madame le veut, que Suzanne le veut, que vous le voulez vous-même, il faut bien que je le veuille aussi! Mais en vérité, monseigneur, si j'étais à votre place, je ne croirais pas un mot de tout ce que nous vous disons. Toujours mentir contre l'évidence! À la face de l'Amérique! Ce pauvre garçon, pourquoi voulez-vous, monsieur, qu'il dise une fois la vérité? Je l'avertis de son danger, c'est tout ce qu'un honnête homme peut faire. As-tu vu le petit page? Encore tout froissé. Caille. Allons, monsieur le comte. Ils brûlent de s'unir. Leur impatience est naturelle. Entrons pour la cérémonie. Et Marceline, Marceline, je voudrais être au moins vêtue. Pour nos gens, est-ce que je le suis? Monseigneur! Monseigneur! Que me veux-tu, Antonio? Faites donc une fois griller les croisées qui donnent sur mes couches. On jette toutes sortes de choses par ces fenêtres. Et tout à l'heure encore, on vient d'en jeter un homme. Par cette fenêtre? Gardez, comme on arrange mes giroflées. Alerte, Figaro, alerte! Monseigneur, il est gris dès le matin. Il est pas. C'est un petit reste d'hier. Voilà comment on fait des jugements ténébreux. Cet homme, où est-il? Où il est? Oui. C'est ce que je dis! Il faut me la trouver, déjà! Je suis votre domestique. Il n'y a que moi qui prends soin de votre jardin. Il y tombe un homme. Et vous sentez que ma réputation en est effleurée. Détourne. Tu boiras donc toujours? Si je ne buvais pas, je deviendrais enragé. Mais en prendre ainsi sans besoin? Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, madame. Il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. Réponds-moi donc ou je vais te chasser. Est-ce que je m'en irai? Comment donc? Si vous n'avez pas assez de ça pour garder un bon domestique, je ne suis pas assez bête, moi, pour renvoyer un si bon maître. On a, dis-tu, jeté un homme par cette fenêtre? Oui, mon excellence, tout à l'heure, en veste blanche. Et qui s'est enfui, Jarny, courant. Après, j'ai bien voulu courir, après. Mais je me suis donné contre la grille une si fière gourde à la main que je ne peux plus remuer ni pied ni patte de ce doigt-là. Au moins, tu reconnaîtras l'homme. Aucun oui, là. C'est si je l'avais vu, pourtant. Il ne l'a pas vu. Voilà bien du train pour un pot de fleurs. Combien te faut-il, pleurard, avec ta giroflée? Il est inutile de chercher, monseigneur. C'est moi qui ai sauté. Comment c'est vous? Combien te faut-il, pleurard? Votre corps a donc bien grandi depuis ce temps-là. Car je vous ai trouvé beaucoup plus moindre et plus fluet. Certainement, quand on saute, on se pelotonne. Mais t'as vu que... C'était plutôt, qui dirait, le gringalet de page. Chérubin, tu veux dire? Oui, revenu tout exprès avec son cheval de la porte de Séville, où peut-être il est déjà. Oh non, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. J'ai pas vu sauter le cheval. Car je le dirais de même. Quelle patience! J'étais dans la chambre des femmes en veste blanche. Il fait un chaud. J'attendais là ma Suzannette, quand tout à coup, j'ai ouï la voix de monseigneur et le grand bruit qui se faisait. Et je ne sais pas quelle crainte m'a saisi à l'occasion de ce billet, et s'il faut avouer ma bêtise, j'ai sauté, sans réflexion, sur les couches, où je me suis même un peu foulé le pied droit. Puisque c'est vous, il est juste de vous rendre ce brimborion de papier qui a coulé de votre veste en tombant. Allons ! Je suis pris. La frayeur ne vous aura pas fait oublier ce que contient ce papier, ni comment il se trouvait dans votre poche. Non, sûrement, mais c'est que j'en ai tant. Il faut répondre à tout. Ceci, ah, c'est une lettre de Marceline, en 4 pages. Elle est belle. Ne serait-ce pas la requête de ce pauvre braconnier en prison? Non, la voici. J'avais l'état des meubles du petit château dans l'autre poche. J'ai raison, c'est le brevet d'officier. Tout est perdu, c'est le brevet. Eh bien, l'homme aux expédients, vous ne devinez pas? Monseigneur dit, si vous ne devinez pas. Dis donc, vilain, qui me parle dans le nez. Vous ne vous rappelez pas ce que ce peut être. Bon, Véro, ce sera le brevet de ce malheureux enfant qu'il m'avait remis et que j'ai oublié de lui rendre. Oh, étourdi que je suis. Que fera-t-il sans son brevet? Il faut courir. Pourquoi vous l'aurait-il remis? Il désirait qu'on y fît quelque chose. Il n'y manque rien. Le cachet. Le cachet manque. Vous ne répondez pas? C'est qu'en effet, il y manque peu de choses. Il dit que c'est l'usage. L'usage? L'usage? L'usage de quoi? D'y apposer le sceau de vos armes. Mais peut-être aussi que cela ne valait pas la peine. Alors, il est écrit que je ne saurais rien. C'est ce Figaro qui les mène et je ne m'en vengerai pas. Vous sortez sans ordonner mon mariage? Ne l'ordonnez pas, monseigneur. Avant de lui faire grâce, vous nous devez justice. Il a des engagements avec moi. Voilà ma vengeance arrivée. Des engagements? De quelle nature, expliquez-vous? Oui, je m'expliquerai, malhonnête. De quoi s'agit-il, Marceline? D'une obligation de mariage. Un billet, voilà tout, pour de l'argent prêté. Sous condition de m'épouser. Vous êtes un grand seigneur, le premier juge de la province. Présentez-vous au tribunal, j'y rendrai justice à tout le monde. En ce cas, votre grandeur permet ainsi que je fasse valoir mes droits sur Marceline. Ha! Voilà mon fripon du billet. Autre fou de la même espèce. Vos droits? Vos droits? Il vous convient bien de parler devant moi, maître Sceau. Il ne l'a ma foi pas moitié du premier coup, c'est son nom. Marceline, on suspendra tout jusqu'à l'examen de vos titres qui se fera publiquement dans la grande salle d'audience. Honnête Basile, agent fidèle et sûr, allez au bourg chercher les gens du siège. Pour son affaire. Et vous m'amènerez le paysan du billet. Est-ce que je le connais? Vous résistez? Je ne suis pas entré au château pour en faire les commissions. Quoi donc? Un matin, lorsque sur l'orgue du village, je montre le clavecin à madame, à chanter à ses femmes, la mandoline au page. Et mon emploi, surtout, est d'amuser votre compagnie avec ma guitare, quand il vous plaît de l'ordonner. J'irai bien, monseigneur, si cela vous plaira. Quel est ton nom et ton emploi? Je suis Cripsalet, mon bon seigneur, le petit patrouilleur des chèvres, commandé pour le feu d'artifice. C'est fait aujourd'hui dans le troupeau. Et je sais où se quitte toute l'orage boutique à procès du pays. Ton zèle me plaît. Vas-y. Mais vous, accompagnez monsieur en jouant de la guitare et chantant pour l'amuser en chemin. Il est de ma compagnie. Oh, moi je suis de là que j'accompagne Grippe-Soleil en jouant. C'est votre emploi. Partez ou je vous chasse. Oh, j'irai pas lutter contre le pot de fer, moi qui ne suis... Qu'une cruche. Au lieu d'aider à leur mariage, je m'en vais assurer le mien avec Marceline. Ne conclue rien, crois-moi, que je ne sois de retour. Conclure ? On va, ne crois rien. Quand même, tu ne reviendrais jamais. Tu n'as pas l'air en train de chanter. Veux-tu que je commence ? Allons, gai, oh, Lamila. Pour ma fiancée. Je préfère à richesse la sagesse de ma Suzon. Son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son. Aussi sa gentillesse et maîtresse de ma raison. Voyez, Suzanne, la jolie scène que votre étourdi m'a value avec son billet. Ah, madame, quand je suis rentrée du cabinet, si vous aviez vu votre visage, il s'éternit tout à coup, mais ce n'a été qu'un nuage. Et par degrés, vous êtes devenue rouge, rouge, rouge. Il a donc sauté par la fenêtre. Sans hésiter, le charmant enfant, léger, comme une abeille. Ah, oh, ce fatal jardinier! Tout cela m'a remué au point que je ne pouvais rassembler deux idées. Ah, madame, au contraire, et c'est là que j'ai vu combien l'usage du grand monde donne des ans aux dames comme il faut pour mentir sans qu'il y paraisse. Crois-tu que le comte en soit la dupe? Et s'il trouvait cet enfant au château? Oh, je vais recommander de le cacher si bien... Il faut qu'il parte. Après ce qui vient d'arriver, vous croyez bien que je ne suis pas tentée de l'envoyer au jardin à votre place. Il est certain que je n'irai pas non plus. Voilà dans mon mariage, encore une fois. Attends. Au lieu d'un autre ou de toi, si j'y allais moi-même. Vous, madame? Il n'y aurait personne d'exposé. Le comte, alors, ne pourrait nier. Avoir puni sa jalousie et lui prouver son infidélité, cela serait... Allons. Le bonheur d'un premier hasard m'enhardit à tenter le second. Fais-lui savoir promptement que tu te rendras au jardin. Mais surtout que personne... Un Figaro. Non, non, il voudrait mettre ici du sien. Mon manteau et ma canne, que j'aille rêver sur la terrasse. Il est assez effronté, mon petit projet. Ah, le ruban. Mon joli ruban. Je t'oubliais. Tu ne me quitteras plus. Tu me rappelleras la scène où ce malheureux enfant... Ah, monsieur le comte, qu'avez-vous fait? Et moi, que fais-je en ce moment? Voici la canne. Et votre loup? Souviens-toi que je t'ai défendu d'en dire un mot à Figaro. Madame, il est charmant, votre projet. Je viens d'y réfléchir. Il rapproche tout, termine tout, embrasse tout. Et quelque chose qui arrive. Mon mariage est maintenant certain. Mesdames et messieurs, attention, au début des 2 minutes de temps. Ravie de vous retrouver, nous sommes dans les coulisses de la Comédie Française. C'est l'entracte, enfin, comme vient de l'annoncer le régisseur du plateau qui est juste à côté de moi. Alors, c'est l'effervescence. J'attends évidemment avec impatience Figaro qui devrait pas tarder puisqu'il m'a promis de me faire découvrir et de vous faire découvrir les coulisses de la Comédie Française. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Figaro, je suis impressionnée. Figaro en chair et en os. Ouais. Ça va ? Ça va. Comment est le public ? Le public est bien. Bizarrement, c'est les étages qui réagissent plus que l'orchestre. Mais c'est plutôt bon signe. Ça change à chaque fois ? Oui, ça change à chaque fois. Il n'y a pas de règle. Alors ce Figaro, fier de l'incarner sur la scène de la Comédie Française ? Ah bah oui, c'est quand même un très beau rôle, alors on va énorme, pas s'en plaindre. Énorme, énorme. Ouais, c'est un gros rôle, c'est très fatigant, mais c'est... Ça donne de l'énergie. Alors, quand est-ce qu'on se débarrasse de la peau du personnage pour redevenir qui vous êtes, c'est-à-dire un comédien de la Comédie Française, Laurence Tucker ? Bah, on se débarrasse pas de la peau du personnage avant la fin de la représentation. On reste dedans ? On reste dedans même encore une petite heure après, je vais dire, puis après on commence à replonger dans la vie réelle. Vous m'emmenez faire un tour dans les coulisses ? Venez. On sort du plateau. Difficile à quitter, hein ? Eh oui. Difficile à quitter, mais en même temps, voilà. C'est nécessaire, il faut. Nécessaire quand même. Il faut sortir quand c'est chaud. J'avais un maître de théâtre qui disait ça. C'est bien. Il faut pas, si on reste trop sur le plateau et qu'on se fait. À partir du moment où on commence à se faire plaisir, nous, il faut du plaisir nous-mêmes. Mais si on a trop, c'est pas bon non plus. Il faut sortir quand c'est chaud. C'est ça qui est bien. On va encore rester un petit peu dans la peau de Figaro. Je voudrais que vous parliez de ce Figaro que vous incarnez là en 2008. Eh ben... C'est un jeune Figaro. Ouais, enfin, il a 30 ans dans la pièce. Oui, ouais, moi j'en ai 35, il a une trentaine d'années. Ouais. Voilà, on est raccord déjà. On est raccord à peu près avec lui, parce qu'on a souvent, ils le font comme si c'était quelqu'un de 40. Monsieur. C'est pas toujours le cas. Hein. C'est Marceline, c'est la mère, quand il apprend que qu'il a une mère, qui dit c'est une trentaine d'années, j'ai perdu ce fils il y a une trentaine d'années, le petit Emmanuel. Voilà, petit Emmanuel. Si on devait décrire cet espace-là, physiquement ? C'est l'espace où on a envie de vomir, en général. Ouais, c'est ça, c'est la grosse trouille. Il y a un petit peu d'eau, d'ailleurs, au cas où. Il y a de l'eau pour... mais on a quand même les boules, toujours. Hein, ça reste Le moment constant. Où on a le trac, c'est là. Oui, le trac. Ouais. En tout cas, moi, en tout cas, j'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Allez, on a quelques minutes, parce que je sais que la pièce reprend bientôt. Bien sûr. J'aimerais bien un petit peu savoir tout ce qui se passe par là. Donc là, on a les costumes. Là, on a les costumes. Reprend le spectacle dans 7 minutes. Ici, on arrive dans le foyer Rachel. Bonsoir, messieurs, dames. Le foyer Rachel, où il y a, en fait, le maquillage et la coiffure. La coiffure. Voilà, petit moment de pause, puisque c'est la pause pour les comédiens. C'est la pause pour le... Et puis c'est la pause avant la bataille, parce que c'est là qu'on se prépare avant d'entrer en scène. Où est-ce qu'on se détend avant de rentrer en scène ? Alors, où est-ce qu'on se détend avant d'entrer en scène ? Ça, c'est... Et même entre les scènes... C'est ici. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien ? Oui. C'est ici qu'on est avant d'entrer en scène. Il y a une télévision qui fait ce qu'on appelle un retour. Et ici, bon, bah, on prend la mesure de où on en est dans la pièce. Et hop, à partir du moment où il faut y retourner, on refait le trajet inverse et on repart. C'est calme ce soir ? C'est parce qu'on est là ou c'est tous les soirs très oui, calme ? Oui, parce que d'habitude, Michel Robin fait une danse en tutu. Mais là... Non. C'est calme ce soir parce que d'habitude je suis sur terre. C'est vrai voilà. Laurent, d'habitude. Oui, je danse moi d'habitude. Mais là, on se calme bien. Merci en tout cas de nous offrir ce petit moment d'intimité. Merci et au revoir. Allez, suite de la visite. Suite de la visite. Ah, je sais qu'il y a un papier important là. Hein, c'est l'ordonnance royale qui stipule que les deux troupes ont été réunies par Louis XIV. Donc en 1680, c'est l'original. Ou un facsimilé. Non, c'est l'original. Alors vous m'emmenez où là ? Parce que alors là, je vous emmène. Vous suivez partout, mais. Dans les loges. Ah, très bien. Qui sont aussi un endroit de toutes les peurs. Est-ce que les étages ont des noms ? J'ai vu sur l'ascenseur. Les étages ont des noms. C'est les noms des comédiens célèbres qui ont marqué la maison de Molière. Préville, qui a été un de ceux qui a créé le rôle de. Les rôles de Beaumarchais, Mars, Mademoiselle Mars, grande tragédienne, ouais. Samson, un grand tragédien aussi également, Thelma, et puis... Et là on est où ? On a quel et là on est à Mars. On est à c'est Mars. Chez vous Mars ? C'est chez moi, c'est ma planète. C'est votre planète ? Ouais. C'est là que vous avez votre loge ? C'est là que j'ai ma loge. Alors pourquoi certains ont Alors, une porte avec un nom et d'autres avec deux noms. Alors, il y a un nom ou deux noms. En général, les pensionnaires sont deux par loge et les sociétaires sont un par loge parce qu'il y a une hiérarchie. Il y a pensionnaire et sociétaire ici. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, l'ordonnance royale stipulait que les pensionnaires, ils étaient pensionnés par le roi. D'accord. Et donc, c'est resté pensionnaire. Et puis, au bout de quelques temps, on peut devenir sociétaire sur proposition du comité d'administration où siègent 6 sociétaires qui ont été élus par l'Assemblée Générale des sociétaires, et on est 35 sociétaires. C'est démocratique, ça? Ah bah oui, ah, absolument. Ça va, alors. Non, mais c'est ça va, complètement on reste dans démocratique. Le ton, ah, et oui. Vous êtes sociétaire? Et je suis sociétaire. Moi, je vote pour des amis sociétaires qui siégeront au comité d'administration. Alors ici, il y a une chose incroyable, c'est qu'il y a des gens qui remontent pendant l'entracte. Ouais, et en fait, du bruit, il y a du bruit parce qu'en fait, il y a des petits rituels comme ça. Alors, j'espère qu'on ne va pas trop les déranger, mais bon. Ouais. Ils chantent un petit truc. Et c'est toujours au même moment à l'entracte. Ça fait partie un peu des choses qui sont importantes. Et vous en avez un rituel ou pas? Moi, j'ai un chewing-gum à manger avant. Et je mange un petit bout de papier aussi, que je crache après dans la poubelle. Si je fais pas ça, je crois que j'ai un trou. Ah d'accord. Ah non, mais c'est vraiment rituel. Ah oui, c'est débile. D'accord. C'est des trucs comme faut pas porter de... Passer sous l'échelle. Passer sous l'échelle. Pas s'habiller en vert, tout ça. Ouais. Mmh. Mais je ne suis pas superstitieux. Non, bien sûr. Comme aucun comédien, d'ailleurs. On frappe ou on y va directement? On va frapper quand même. Allez. C'est la loge de qui? C'est la loge de Grégory Gadebois. Oui. Et il chante avec Anne Kessler qui fait Suzanne. Voilà. Voilà. À chaque fois, c'est un contract. Ils viennent chanter ici. Alors on vient, tu peux chanter. Ça nous détend. Pardon. Non, mais je ne dérange pas du tout. Mais c'est comme si, tu sais, on n'avait pas conscience que vous étiez là. C'est pas assez fatigant comme boulot, en fait, comédien, la comédie française. Pendant l'entraque... C'est la détente. C'est quand on se chauffe la voix, en fait. Ouais. D'accord. Ouais. C'est le moment de détente. Ah bah ouais. Moi, j'aime pas faire des exercices. Vous voulez faire bibi. Chant de Brassens, c'est pas mal. Pour Pédrine, le Comte et Figaro. Pédrine, le Comte et Figaro à la régie. Bon. Merci, nous avons ouvert vos portes. Ah, mais on va y retourner. Brassens, alors. On va y retourner parce que... Ça sonne. Ça va pas tarder. Et on vous appelle comme ça à chaque fois. Hein, c'est aller au Stocker, au plateau, maintenant. Au plateau, oui. Et moi, j'aimerais bien quand même que vous me racontiez un peu la suite, là, de Figaro. Parce qu'on a quitté Suzanne et la comtesse On qui quitte Suzanne et la comtesse qui complote. Et puis le comte m'attend. Oui, pourquoi? Parce qu'il a des choses à me dire, il veut m'intriguer aussi, mais le truc c'est que je mets beaucoup de temps à me préparer. Pourquoi? J'aimerais bien le savoir. Eh bien, je vais... Mesdemoiselles et messieurs, en scène, s'il vous plaît, pour la reprise du spectacle, merci. As-tu bien entendu? Excellence, oui! Pédri! Excellence, on ne t'a pas vu. Âme qui pique. Prenez le cheval bas. Il est à la grille du potager, tout scellé. Tiens, d'un trait jusqu'à ses lits. Il n'y a que 3 lieues, elles sont bonnes. En descendant, sachez si le page est arrivé. Dans l'hôtel? Oui, surtout depuis quel temps? J'entends. Remets-lui son brevet et reviens vite. Et s'il n'y était pas? Revenez plus vite et m'en rendez compte. Allez. J'ai fait une gaucherie en éloignant Basile. La colère n'est bonne à rien. Ce billet remis par lui qui m'avertit d'une entreprise sur la comtesse. La camariste enfermée quand j'arrive. La maîtresse affectée d'une terreur fausse ou vraie. Un homme qui saute par la fenêtre et l'autre après qui avoue ou qui prétend que c'est lui, le fil m'échappe. Il y a là-dedans une obscurité, des libertés chez mes vassaux, qu'importe, agent de cette étoffe. Mais la comtesse, si quelque insolent attentait, où m'égarais-je? En vérité, quand la tête se monte, l'imagination la mieux réglée devient folle comme un rêve. Elle s'amusait. Ces ris étouffés, cette joie mal éteinte, elle se respecte. Et mon honneur, où diable on l'a placé? De l'autre part, où suis-je? Cette friponne de Suzanne a-t-elle trahi mon secret, comme il n'est pas encore le sien? Qui donc m'enchaîne à cette fantaisie? J'ai voulu 20 fois y renoncer. Étrange effet de l'irrésolution. Si je la voulais sans débat, je la désirerais 1000 fois moins. Ce Figaro se fait bien attendre. Il faut le sonder adroitement et tâcher, dans la conversation que je vais avoir avec lui, de démêler d'une manière détournée s'il est instruit ou non de mon amour pour Suzanne. Nous y voilà. Silencé par elle, un seul mot. Je m'en suis douté. Je lui fais épouser la vieille. Oh, les amours de Monsieur Basile. Et voyons ce que nous ferons de la jeune. Ah, ma femme, s'il vous plaît. Hein? Quoi, qu'est-ce que c'est? Moi, qui me rends à vos ordres. Et pourquoi ces mots? Je n'ai rien dit. Ma femme, s'il vous plaît. C'est la fin d'une réponse que je faisais. Allez le dire à ma femme, s'il vous plaît. Sa femme. Je voudrais bien savoir quelle affaire peut arrêter monsieur quand je le fais appeler. Je m'étais sali sur ses couches en tombant, je me changeais. Faut-il une heure? Il faut le temps. Les domestiques ici sont plus longs à s'habiller que les maîtres. C'est qu'ils n'ont point de valet pour les y aider. Je n'ai pas trop compris ce qui vous avait forcé tantôt de courir un danger inutile en vous jetant... Un danger? On dirait que je me suis engouffré tout vivant. Essayez de me donner le change en feignant de le prendre. Ainsi Dieu valait. Vous entendez fort bien que ce n'est pas le danger qui m'inquiète, mais le motif. Sur un faux avis, vous arrivez furieux, renversant tout comme le torrent de la Morena. Vous cherchez un homme, il vous le faut, ou vous allez briser les portes, enfoncer les cloisons. Je me trouve là, par hasard. Qui sait dans votre emportement si... Vous pouviez fuir par l'escalier. Et vous me prendre au corridor. Au corridor? Je m'emporte et nuis à ce que je veux savoir. Voyons-le venir et jouons serré. Ce n'est pas ce que je voulais dire, laissons cela. J'avais... Oui. J'avais quelque envie de t'emmener à Londres. Courrier de dépêche. Mais toute réflexion... Monseigneur a changé d'avis? Premièrement, tu ne sais pas l'anglais. Je sais Goddam! Je n'entends pas. Je dis que je sais Goddam! Eh bien... Diable, c'est une belle langue que l'anglais, il en faut peu pour aller loin. Avec Goddam! En Angleterre, on ne manque de rien nulle part. Voulez-vous tâter d'un bon poulet gras? Entrez dans une taverne et faites seulement ce geste au garçon. Goddam! On vous apporte un pied de bœuf salé sans pain. C'est admirable. Aimez-vous avoir un coup d'excellent Bourgogne ou de Clairet? Rien que celui-ci. Goddam! On vous sert un pot de bière en bel état, la mousse au bord. Quelle satisfaction, on dit! Rencontrez-vous une de ces jolies personnes qui vont trottant menu, les yeux baissés, coudes en arrière, et tortillant un peu des hanches, mettez mignardement tous les doigts mis sur la bouche. Ah, madame! Elle vous sangle un soufflet de crocheteur. Preuve qu'elle entend. Les Anglais, à la vérité, ajoutent par-ci par-là quelques autres mots en conversant. Hein. Mais il est bien aisé de voir que God damn est le fond de la langue. Et si Monseigneur n'a pas d'autre motif de me laisser en Espagne, il veut venir à Londres, elle n'a pas parlé. Il croit que je ne sais rien, travaillons-le un peu dans son genre. Avait la comtesse pour me jouer un pareil tour. Ma foi, monseigneur, vous le savez mieux que moi. Je la préviens surtout et la comble de présent. Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. C'est ton gré du superflu à qui nous prive du nécessaire. Autrefois, tu me disais tout. Et maintenant, je ne vous cache rien. Combien la comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association? Combien m'en donnez-vous pour la tirer des mains du docteur? Tenez, monseigneur, n'humilions pas trop l'homme qui nous sert bien, crainte d'en faire un mauvais valet. Pourquoi faut-il toujours qu'il y ait une louche en ce que tu fais? C'est qu'on en voit partout quand on y cherche des torts. Une réputation détestable. Si je vaux mieux qu'elle, y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant? 100 fois, je t'ai vu marcher à la fortune et jamais aller droit. Comment voulez-vous? La foule est là, chacun veut courir. On se presse, on pousse, on coudoie, on renverse. Arrive qui peut. Le reste est écrasé. Aussi c'est fait. Pour moi, j'y renonce. À la fortune? Voici du neuf. À mon tour maintenant. Votre Excellence m'a gratifié de la conciergerie du château. C'est un fort joli sort. À la vérité, je ne serais pas le courrier étrenné des nouvelles intéressantes, mais en revanche, heureux avec ma femme, au fond de l'Andalousie. Qui t'empêcherait de l'emmener à Londres? Il faudrait la quitter si souvent que j'aurai bientôt du mariage par-dessus la tête. Avec du caractère et de l'esprit, tu pourrais un jour t'avancer dans les bureaux. De l'esprit pour s'avancer? Monseigneur se rit du mien. Médiocre et rampant, et l'on arrive à tout. Il ne faudrait qu'étudier un peu sous moi la politique. Je la sais. Comme l'anglais, le fond de la langue. Oui, s'il y avait de quoi se vanter. Mais feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu'on entend. Surtout, de pouvoir, au-delà de ses forces, avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a pas, s'enfermer pour tailler des plumes et paraître profond quand on est, comme on dit, que vide et creux, jouer bien ou mal un personnage, répandre des espions, pensionner des traîtres, abolir des cachets, intercepter des lettres et tâcher d'en oublier la pauvreté des moyens par l'importance des objets, voilà toute la politique. Où je meurs. Hey, c'est l'intrigue que tu définis. La politique l'intrigue volontiers, mais comme je les crois un peu germaine, en face qui voudra. J'aime mieux ma vie au guet. Comme dit la chanson du bon roi. Il veut rester, j'entends, Suzanne m'a trahi. Je l'enfile et le paye en sa monnaie. Ainsi, tu espères gagner ton procès contre Marcel. Me feriez-vous un crime de refuser une vieille fille quand votre excellence se permet de nous souffler toutes les jeunes? Au tribunal, le magistrat s'oublie et ne voit plus que l'ordonnance. Indulgente au grand, dure au petit. Crois-tu donc que je plaisante? Et qui le sait, monseigneur? Tempo e galantuomo, dit l'italien. Il dit toujours la vérité. C'est lui qui m'apprendra qui me veut du mal ou du bien. Je vois qu'on lui a tout dit. Il épousera la douane. Il a joué au fin avec moi. Qu'a-t-il appris? Don Gusman, Brie d'Oison. Brie d'Oison? Sans doute. C'est le juge ordinaire. Le lieutenant du siège. Votre prud'homme. Qu'il attende. Est-ce là ce que Monseigneur voulait? Moi? Je disais d'arranger ce salon pour l'audience publique. Je vais renvoyer les frotteurs. Le maraud m'embarrassait. En disputant, il prend son avantage. Il vous serre, vous enveloppe. Ah! Friponne et fripon, vous vous entendez pour me jouer? Soyez amis, soyez amants, soyez ce qui vous plaira, j'y consens. Et parbleu pour époux. Monseigneur! Pardon! Monseigneur! Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Vous êtes en colère. Vous voulez quelque chose, apparemment. C'est que ma maîtresse a ses vapeurs. J'accourais vous prier de nous prêter votre flacon d'éther. Je l'aurais rapporté dans l'instant. Non, non. Gardez-le pour vous-même. Il ne tardera pas à vous être utile. Est-ce que les femmes de mon état ont des vapeurs, donc? C'est un mal de condition qu'on ne prend que dans les boudoirs. Une fiancée bien éprise et qui perd son futur. En payant Marceline avec la dot que vous m'avez promise. Que je vous ai promise? Moi? Monseigneur, j'avais cru l'entendre. Oui, si vous consentiez à m'entendre vous-même. Et n'est-ce pas mon devoir? D'écouter son excellence. Pourquoi donc, cruelle fille, ne me l'avoir pas dit plus tôt? Est-il jamais trop tard pour dire la vérité? Tu te rendrais sur la brune, au jardin? Est-ce que je ne m'y promène pas tous les soirs? Tu m'as traité ce matin si durement. Ce matin, et le page derrière le fauteuil? Elle a raison, je l'oubliais. Mais pourquoi ce refus obstiné qu'en Basile, de ma part? Mais quelle nécessité qu'un Basile? Elle a toujours raison. Cependant, il y a un certain Figaro à qui je crains bien que vous n'ayez tout dit. Dame, oui. Je lui dis tout. Or, ce qu'il faut lui taire. Ha! Charmante. Et tu me le promets. Si tu manquais à ta parole, entendons-nous, mon cœur. Point de rendez-vous, point de dot, point de mariage. Mais aussi, point de mariage, point de droit du Seigneur. Mon Seigneur. Où prend-elle ce qu'elle dit ? Tonnerre, j'en raffolerai. Mais ta maîtresse attend le flacon. Aurais-je pu vous parler sans un prétexte ? Délicieuse créature ! Voilà du monde ! Elle est à moi ! Allons vite rendre compte à madame. Suzanne, Suzanne, pourquoi tu donc si vite en quittant mon seigneur ? Plaide à présent si tu le veux. Tu viens de gagner ton procès ! Hé, mais dis donc ! Tu viens de gagner ton procès. Je tombais là dans un bon piège. Oh, mes chers insolents, je vous punirai de façon un bon arrêt, bien juste. Mais s'il allait payer la douane, avec quoi? S'il payait... N'ai-je pas le fier Antonio, dont le noble orgueil dédaignant Figaro un inconnu pour sa nièce? En caressant cette manie, pourquoi non? Dans le vaste champ de l'intrigue, il faut savoir tout cultiver. Jusqu'à la vanité d'un sot. En bon ! Eh bien, mais papa, parlons-en verbalement. C'est une promesse de mariage. Accompagnée d'un prêt d'argent. J'entends, etc. Le reste... Non, monsieur, point d'etc. J'entends, vous avez la somme? Non, monsieur, c'est moi qui l'ai prêtée. Ah, j'entends bien, oui, vous redemandez l'argent. Non, monsieur, je demande qu'il m'épouse. Mais j'entends fort bien. Et lui, veut-il vous épouser? Non, monsieur, voilà tout le procès. Croyez-vous que je ne l'entende pas, le procès? Non, monsieur, mais où sommes-nous? Quoi, c'est vous qui nous jugerez? Et est-ce que j'ai acheté ma charge pour autre chose? C'est un grand abus que de les vendre. Oui, l'on ferait mieux de nous les donner pour rien. Contre qui plaidez-vous? Monsieur, contre ce malhonnête homme. Je vous gêne peut-être? Monseigneur revient dans l'instant, monsieur le conseiller. J'ai vu ce garçon-là quelque part. Chez madame votre femme, à Séville, pour la servir, monsieur le conseiller. Dans quel temps? Un peu moins d'un an avant la naissance de monsieur votre fils, le cadet, qui est un bien joli enfant, je m'en vante. Ah oui, c'est le plus joli de tous. On dit que tu fais ici des tiennes. Monsieur est bien bon, ce n'est qu'une misère. Une promesse de mariage, le pauvre Benet. Monsieur. A-t-il vu mon secrétaire, ce bon garçon? N'est-ce pas double main, le greffier? Oui, c'est qu'il mange à deux rats râteliers. Monseigneur, monsieur. En robe, ici, seigneur Benoison. Ce n'est qu'une affaire domestique. La ville était trop bon. C'est vous qui l'êtes, monsieur le comte, mais je ne vais jamais sans elle, parce que, voyez-vous, la forme, n'est-ce pas? La forme, telle rit d'un juge en habit court qui tremble au seul aspect d'un procureur en robe. La forme, la forme... Faites entrer l'audience! L'audience! Double main a appelé la cause. Barbe, Agar, Rap, Madeleine, Nicole, Marceline de Vertalure, fille majeure. Contre Figaro. Nom de baptême en blanc. Anonyme. Anonyme. Quel patron est-ce là? C'est le mien. Ah. Contre Anonyme Figaro. Qualité. Gentilhomme. Vous êtes gentilhomme? Si le ciel l'eût voulu, je serais fils d'un prince. Allez. Silence, messieurs. Pour cause d'opposition faite au mariage d'Udi Figaro par ladite de Vertalure, le docteur Bartolo, plaidant pour la demanderesse, et le dit Figaro pour lui-même. Si la cour le permet, contre le vœu de l'usage et la jurisprudence du siège. L'usage, maître Doublemain, est souvent un abus. Le client un peu instruit sait toujours mieux sa cause que certains avocats qui, suant à froid, criant à tue-tête et connaissant tout hors le fait, s'embarrassent aussi peu de ruiner le plaideur que d'ennuyer l'auditoire et d'endormir messieurs, plus boursouflés, après que s'ils eussent composé l'oratio pro Morena. Moi, je dirais le fait en peu de mots. Voilà beaucoup d'inutiles, car vous n'êtes pas demandeur et n'avez que la défense. Avancez, docteur, lisez la promesse. Oui, promesse. Elle est précise. Il faut la voir. Silence. Silence. Je, sous-signé, reconnais avoir reçu de damoiselle, etc., Marceline de Vertalure, dans le château d'Aguas Frescas, la somme de 2000 piastres fortes coordonnées, laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition dans ce château, et je l'épouserai par forme de reconnaissance, etc., signé Figaro, tout court. Mes conclusions sont au paiement du billet et à l'exécution de la promesse, avec dépens. Messieurs, jamais cause plus intéressante ne fut soumise au jugement de la cour. Et depuis, Alexandre le Grand, qui promit mariage à la belle Thalestris... Avant d'aller plus loin, avocat, convient-on de la validité du titre? Qu'opposez-vous à cette lecture? Qu'il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction dans la manière dont on a lu la pièce, car il n'est pas dit dans l'écrit « laquelle somme je lui rendrai et je l'épouserai », mais « laquelle somme je lui rendrai ou je l'épouserai », ce qui est bien différent. Y a-t-il « et » dans l'acte ou bien « ou » ? Il y a « et ». Il y a « ou ». Double main, lisez vous-même. Et c'est le plus sûr, car souvent les parties déguisent en lisant. Ah. Laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition dans ce château et où le mot est si mal écrit, il y a un pâté. Un pâté? Je sais ce que c'est. Je soutiens, moi, que c'est la conjonction copulative et qu'il y ait les membres corrélatifs de la phrase. Je paierai la demoiselle et je l'épouserai. Je soutiens, moi, que c'est la conjonction alternative ou qui sépare les 10 membres. Je paierai la donzelle ou je l'épouserai. À pédant, pédant et demi, qu'il s'avise de parler latin, j'y suis grec. Je l'extermine. Comment juger par la question? Pour la trancher, messieurs, et ne plus chicaner sur un mot, nous passons qu'il y ait où. J'en demande acte. Et nous y adhérons. Un si mauvais refuge ne sauvera pas le coupable. Examinons le titre en ce sens. Laquelle somme je lui rendrai dans ce château où je l'épouserai, c'est-à-dire dans lequel? Ainsi, château où je l'épouserai, messieurs, c'est château dans lequel? Pas du tout, la phrase est dans le sens de celle-ci. Où la maladie vous tuera, où ce sera le médecin. Ou bien le médecin, c'est incontestable. Maître Bartolo croit-il donc que j'ai oublié ma syntaxe? Ainsi, je la paierai dans ce château, virgule, ou je l'épouserai. Sans virgule. Aligné, c'est virgule, messieurs. Ou bien je l'épouserai. Sans virgule, messieurs. Aligné, t'es, messieurs. D'ailleurs, l'homme qui épouse est-il tenu de rembourser? Oui, nous nous marions séparés de biens. Et nous de corps, hein. Silence! Silence! Ont-ils tant à balmulsifier? On a corrompu le grand juge. Ils corrompent l'autre et je perds mon procès. J'en ai peur. Courage, Marceline. C'est trop fort. Je vous dénonce. Et pour l'honneur du tribunal, je demande. Très fini. Ne prononcerai point sur mon injure personnelle. Que peut requérir la demanderesse? Mariage, à défaut de paiement. Les deux ensemble impliqueraient contradiction. Que nous répond le défendeur? Qu'il veut garder sa personne. À lui, permis. J'ai gagné. Mais, comme le texte dit, laquelle somme je paierai à la première réquisition ou bien j'épouserai, etc. La cour condamne le défendeur à payer 2000 piastres fortes à la demanderesse ou bien à l'épouser dans le jour. J'ai perdu. Superbe, arrête ! En quoi superbe ? En ce que tu n'es plus mon neveu. Grand merci, monseigneur. Passez, messieurs. Je m'en vais tout compter à ma nièce. Je respire. Et moi, j'étouffe. Pour moi, je suis vengé. Cela soulage. Et ce Basile, qui devait s'opposer au mariage de Marceline, voyez comme il revient. Monseigneur, vous nous quittez ? Tout est jugé. C'est ce gros enflé de conseiller ! Moi, gros enflé ? Sans doute ! Et je ne l'épouserai pas ! Je suis gentilhomme une fois ! Vous l'épouserez ! Sans l'aveu de mes nobles parents ? Nommez-les ! Montrez-les ! On me donne un peu de temps. Il y a 15 ans que je les cherche. Je suis bien prêt de les revoir. Le fa ! C'est quelque enfant trouvé ! Enfant perdu, docteur. Ou plutôt enfant volé. Volé, perdu. La preuve ! Il crierait qu'on lui fait tâche. Monseigneur, quand les langes à dentelle, tapis brodés et joyaux d'or, trouvés sur moi par les brigands, n'indiqueraient pas ma haute naissance. La précaution qu'on avait prise de me faire des marques distinctives témoignerait assez combien j'étais un fils précieux. Et cet hiéroglyphe à mon bras. Mais la spatule à ton bras droit. Où savez-vous que je dois l'avoir? Dieu, c'est lui. Oui, c'est moi. Et qui, lui? C'est Emmanuel. Tu fus enlevé par des bohémiens? Tout près d'un château. Bon docteur, si vous me rendez à ma noble famille, mettez un prix à ce service. Des monceaux d'or n'arrêteront pas mes illustres parents. Voilà ta mère. Nourrice? Ta propre mère. Sa mère? Expliquez-vous! Voilà ton père. Aïe! Est-ce que la nature ne te l'a pas dit mille fois? Jamais. Sa mère. Et c'est clair, il ne l'épousera pas. Ni moi non plus. Mais vous, mais votre fils, vous m'aviez juré. J'étais fou. Si pareil souvenir engageait, on serait tenu d'épouser tout le monde. Et si l'on y regardait de si près, personne n'épouserait personne. Des fautes si connues, une jeunesse déplorable. Oui, déplorable, et plus qu'on croit. Je n'entends pas nier mes fautes. Ce jour les a trop bien prouvées. Mais qu'il est dur de les expier après 30 ans d'une vie modeste. J'étais née, moi, pour être sage, et je la suis devenue sitôt qu'on m'a permis d'user de ma raison. Mais dans l'âge des illusions, de l'inexpérience et des besoins où les séducteurs nous assiègent pendant que la misère nous poignarde, que peut opposer une enfant à tant d'ennemis rassemblés? Elle nous juge ici sévèrement qui peut-être en sa vie a perdu 10 infortunés. Les plus coupables sont les moins généreux, c'est la règle. Homme plus qu'ingrat, qui flétrissait par le mépris les joies de vos passions, vos victimes, c'est vous qu'il faut punir des erreurs de notre jeunesse. Vous et vos magistrats, si vains du droit de nous juger, et qui nous laissent enlever par leur coupable négligence tout honnête moyen de subsister. Est-il un sale état pour les malheureuses filles? Dans les rangs même les plus élevés, les femmes n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire, leurrée de respect apparent dans une servitude réelle, traitée en mineur pour nos biens, puni en majeur pour nos fautes. Sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur ou pitié. Elle a raison. Que trop raison. Elle a, mon Dieu, raison. Mais que nous font mon fils? Les refus d'un homme injuste ne regardent pas d'où tu viens, vois où tu vas. Cela seul importe à chacun. Dans quelques mois, ta fiancée ne dépendra plus que d'elle-même. Elle t'acceptera. J'en réponds. Vis entre une épouse, une mère tendre, qui te chériront à qui mieux. Sois indulgent pour elle. Heureux pour toi, mon fils. Gai, libre et bon pour tout le monde. Il ne manquera rien à ta mère. Tu parles d'or, maman. Et je me tiens à ton avis. sot événement qui me dérange. Et la noblesse et le château vous imposez à la justice. Elle allait me faire faire une belle sottise, la justice. Après que j'ai manqué pour ces maudits 100 écus d'assommer 20 fois monsieur qui se trouve aujourd'hui mon père. Mais puisque le ciel a sauvé ma vertu de ces dangers, mon père, agrée mes excuses. Et vous, ma mère, embrassez-moi. Le plus maternellement que vous pourrez. Monseigneur, arrêtez ! Qu'on ne les marie pas, je viens payer madame avec la dot que ma maîtresse me donne. Au diable, la maîtresse ! Il semble que tout conspire. Ah oh, oui, payez, tiens. J'en vois assez, sortons. Non, s'il vous plaît, que vois-tu donc ? Ma bêtise est à l'acheter. Pas plus de l'une que de l'autre. Et que tu l'épouses à gré, puisque tu la caresses. Je la caresse, mais je ne l'épouse pas. Vous êtes bien insolent d'oser me retenir. C'est ici de l'amour. Avant de nous quitter, je t'en supplie, envisage bien cette chère femme-là. Je la regarde. Et tu la trouves ? Affreuse ! Et vive la jalousie, elle ne vous marchande pas. Embrasse ta mère, ma jolie Suzannette. Le méchant qui te tourmente est mon fils. Vous ? Sa mère ? C'est donc de tout à l'heure que je le sais. Mon cœur, entraîné vers lui, ne se trompait que de motif. C'était le sang qui me parlait. Et moi le bon sens, ma mère, qui me servait d'instinct quand je vous refusais. Car j'étais loin de vous haïr. Témoin l'argent. Oh, il est à toi. Reprends ton billet. C'est ta dot. Prends encore celle-ci. Grand merci. Je veux rire et pleurer en même temps. On ne sent pas deux fois ce que j'éprouve. Oh, mon ami. Mon cher ami. Et moi, je suis donc bête aussi. Chagrin, c'est maintenant que je puis te défier. Atteins-moi si tu l'oses, entre ces deux femmes chéries. Autant de cajolerie, s'il vous plaît. En fait, mariage dans les familles, celui des parents va devant, vous savez. Les vôtres, se baillent-ils la main ? Ma main ? Puisse-t-elle se dessécher et tomber si je la donne à la mère d'un tel drôle ? Vous êtes donc un père marâtre ? En ce cas, notre galant, plus de parole. Oh, mon nom ! Irais-je donner l'enfant de notre sœur ainsi, qui n'est l'enfant de personne ? Est-ce que cela se peut, imbécile ? On est toujours l'enfant de quelqu'un. Tara, il ne l'aura jamais. Et cherche à présent qui t'adopte. Oh, arrêtez, docteur, ne sortez pas. Non, tous les sots d'Andalousie sont, je crois, déchaînés contre mon pauvre mariage. Mon petit papa, c'est votre fils. Des talents, de l'esprit, de la figure. Et qui ne vous a pas coûté une obole. Et les 100 écus qu'il m'a pris. Nous aurons tant de soin de vous, papa. Nous vous aimerons tant, petit papa. Papa. Bon papa. Petit papa, voilà que je suis plus bête encore que monsieur. Je me laisse aller comme un enfant. Non, non, non, non, non, non, je n'ai pas dit oui. Tu es donc devenu mon seigneur. Pourrons le joindre. Arrachons-lui son dernier mot. S'imaginer quelque autre intrigue, il faudrait tout recommencer. Courons, courons! Plus bête encore que monsieur. On peut se dire à soi-même ces sortes de choses-là, mais ils ne sont pas polis du tout dans cet endroit-ci. Eh bien, amour, es-tu contente ? Elle a converti son docteur, cette fine langue dorée de ma mère. Malgré sa répugnance, il l'épouse et ton bourru donc l'est bridé. Il n'y a que monseigneur qui rage, car enfin notre hymen va devenir le prix du leurre. Ris donc un peu de ce bon résultat. As-tu rien vu de plus étrange ? Ou plutôt d'aussi gai ? Nous ne voulions qu'une dot arrachée à l'excellence. En voilà deux dans nos mains qui ne sortent pas des siennes. Une rivale acharnée te poursuivait, j'étais tourmenté par une furie. Tout cela s'est changé pour nous dans la plus bonne des mères. Hier, j'étais comme seul au monde, et voilà que j'ai tous mes parents. pas si magnifiques. Il est vrai que je me les étais galonnés, mais assez bien pour nous, qui n'avons pas la vanité des riches. Aucune des choses que tu avais disposées que nous attendions, mon ami, n'est pourtant arrivée. Le hasard a mieux fait que nous tous, ma petite. Ah. Ainsi va le monde. On travaille, on projette, on arrange d'un côté, la fortune accomplie de l'autre. Et depuis l'affamé conquérant qui voudrait avaler la terre, jusqu'au paisible aveugle qui se laisse mener par son chien, tous sont le jouet de ses caprices. Encore, l'aveugle au chien est-il souvent mieux conduit, moins trompé dans ses vues que l'autre aveugle avec son entourage. Pour cet aimable aveugle qu'on nomme amour. Ah, c'est le seul qui m'intéresse. Permets donc que, prenant l'emploi de la folie, je sois le bon chien qui le mène à ta jolie mignonne porte. Et nous voilà logés pour la vie. L'amour et toi? Moi et l'amour. Et vous ne chercherez pas d'autre gîte? Si tu m'y prends, je veux bien que 1 000 000 000 de galants... Tu vas exagérer. Dis ta bonne vérité. Ma vérité la plus vraie? Fuis donc, vilain, en a-t-on plusieurs? Oh que oui. Depuis qu'on a remarqué qu'avec le temps, vieilles folies deviennent sagesse, et qu'anciens petits mensonges assez mal plantés ont produit de grosses vérités, on en a de 1 000 espèces. Et celles qu'on sait, sans oser les divulguer, car toute vérité n'est pas bonne à dire. Et celles qu'on vante, sans y ajouter foi, car toute vérité n'est pas bonne à croire. Et les serments passionnés, les menaces des maires, les protestations des buveurs, les promesses des gens en place. Le dernier mot de nos marchands, cela ne finit pas. Il n'y a que mon amour pour Suzon qui soit une vérité de bonne aloi. J'aime ta joie parce qu'elle est folle. Elle annonce que tu es heureux. Parlons du rendez-vous du comte. Ou plutôt, n'en parlons jamais. Il a failli me coûter Suzanne. Tu ne veux donc plus qu'il ait lieu? Si vous m'aimez, Suzon, votre parole d'honneur sur ce point, qu'il s'y morfonde, et c'est sa punition. Il m'en a plus coûté de l'accorder que je n'ai de peine à le rompre. Il n'en sera plus question. Ta bonne vérité? Oh, je ne suis pas comme vous autres savants, moi. Je n'en ai qu'une. Tu m'aimeras? Un peu? Beaucoup. Ce n'est guère. Et comment? En fait d'amour, vois-tu, trop n'est pas même assez. Je n'entends pas toutes ces finesses, mais je n'aimerais que mon mari. Tiens parole, et tu feras une belle exception à l'usage. Ah, vous avez raison de le dire, en quelque endroit qu'ils soient, croyez qu'ils sont ensemble. Allons donc, Figaro, si vous voulez l'avenir, le mariage et vous-même que d'usurper un tête-à-tête. On vous attend, on s'impatiente. C'est vrai, madame, je m'oublie. Je vais leur montrer mon excuse. Elle vous suit. As-tu ce qu'il nous faut pour troquer de vêtements? Il ne faut rien, madame. Le rendez-vous ne tiendra pas. Ah, vous changez d'avis? C'est Figaro. Vous me trompez! Bonté divine! Figaro n'est pas homme à laisser échapper une dot. Madame, mais que croyez-vous donc? Qu'enfin d'accord avec le comte. Il vous fâche à présent de m'avoir confié ses projets. Je vous sais par cœur. Laissez-moi! Au nom du ciel, espoir de tous! Vous ne savez pas, madame, le mal que vous faites à Suzanne. Après vos bontés continuelles et la dot que vous me donnez. Mais je ne sais ce que je dis. En me cédant ta place au jardin, tu n'y vas pas, mon cœur. Tu tiens parole à ton mari. Tu m'aides à ramener le mien. Comme vous m'avez affligée. C'est que je ne suis qu'une étourdie. Où est ton rendez-vous? Le mot de jardin m'a seul frappée. Prends cette plume et fixons un endroit. Lui écrire? Il le faut. Madame, au moins c'est vous. Je mets tout sur mon compte. Chanson nouvelle. Sur l'air qu'il fera beau ce soir sous les grands marronniers. Il fera beau ce soir. Sous les grands marronniers. Après? Crains-tu qu'ils ne t'entendent pas? C'est juste. Avec quoi cacheter? Une épingle, dépêche, elle servira de réponse. Écris sur le revers. Renvoyez-moi le cachet. Ah, le cachet. Celui-ci, madame, est plus gai que celui du brevet. Oh. Je n'ai pas d'épingle à présent. Pour celle-ci. Oh, mon ruban. avait eu la cruauté. Fallait-il le laisser à son bras, c'eût été joli. Donnez donc. Madame ne le portera plus taché du sang de ce jeune homme. Excellent pour Fanchette. Le premier bouquet qu'elle m'apportera. De ne pas vous connaître toutes. Mais quelle est cette aimable enfant qui a l'air si modeste? C'est une cousine à nous, madame, qui n'est ici que pour la noce. Elle est jolie. Ne pouvant porter 20 bouquets, faisons honneur à l'étrangère. Elle en rougit. Ne trouves-tu pas, Susan, qu'elle ressemble à quelqu'un? À s'y méprendre, en vérité. Ah, ce baiser-là m'a été bien loin. Moi, je vous dis, monseigneur, qu'il y ait. Elles l'ont habillé chez ma fille. Toutes ces hardes y sont encore. Et voilà, son chapeau d'ordonnance que j'ai retiré du paquet. Et... Hé hey! Parguen! Voilà votre officier! Oh, ciel! Non. Quand je disais là-haut que c'était lui. Eh bien, madame. Eh bien, monsieur, vous me voyez plus surprise que vous, et pour le moins aussi fâchée. Oui, mais tantôt, ce matin. Je serai coupable, en effet, si je dissimulais encore. Il était descendu chez moi, nous entamions le badinage que ses enfants viennent d'achever. Vous nous avez surprise l'habillant, votre premier mouvement est si vif. Il s'est sauvé, je me suis troublée. L'effroi général a fait le reste. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Monseigneur. Je punirai ta désobéissance. Oh, monseigneur, entendez-moi. Que vous venez m'embrasser. Vous savez bien que vous dites toujours, si tu veux m'aimer, petite Fanchette, je te donnerai ce que tu voudras. Moi, j'ai dit cela? Oui, monseigneur. Au lieu de punir, chérubin, donnez-le-moi au mariage, et je vous aimerai à la folie. Être ensorcelé par un page! Eh bien, monsieur, à votre tour. L'aveu de cet enfant, aussi naïf que le mien, atteste enfin deux vérités. Que c'est toujours sans le vouloir si je vous cause des inquiétudes, pendant que vous épuisez tout pour augmenter et justifier les miennes. En voici, monseigneur. Dame, je vous la regretterai, comme feu sa mère, qui est morte. Ce n'est pas pour la conséquence, mais c'est que madame, c'est bien que les petites filles, quand elles sont grandes. Il y a un mauvais génie qui tourne tout ici contre moi. Monseigneur, si vous retenez nos filles, on ne pourra commencer ni la fête ni la danse. Vous dansez? Vous n'y pensez pas. Après votre chute de ce matin qui vous a foulé le pied droit. Je souffre encore un peu, c'est rien. Allons, mes belles, allons. Vous avez été fort heureux que ces couches ne fussent que du terreau bien doux. Très heureux, sans doute, autrement. Oui, il s'est pelotonné en tombant jusqu'en bas. Un plus adroit, n'est-ce pas, serait resté en l'air. Venez-vous, mesdemoiselles. Pendant ce temps-là, le petit page galopait sur son cheval, assez vite. Galopait ou marchait au pas. Et vous aviez son brevet dans la poche. Assurément. Mais quelle enquête! Allons donc, jeune fille! En voilà une qui prétend que mon neveu futur n'est qu'un menteur! Chérubin, peste du petit fat! Y es-tu maintenant? J'y suis, et qu'est-ce qu'il chante? Il ne chante pas! Il dit que c'est lui qui a sauté sur les giroflées. Ah! S'il le dit, cela se peut. Je ne discute pas de ce que j'ignore. Ainsi, vous et lui! Mais pourquoi non? La rage de sauter peut gagner. Voyez les moutons de panure, je... Mais, de flanc! Quand vous êtes en colère, il n'y a personne qui n'a mieux risqué. Comment? Deux à la fois? On aurait sauté deux douzaines. Et qu'est-ce que cela fait, monseigneur, dès qu'il n'y a personne de blessé? Ça, voulez-vous venir, oui ou non? Jouons-nous une comédie! Voilà le signal de la marche. À vos postes, les belles! À vos postes! Allons, Suzanne, donne-moi le bras. En voit-on de plus audacieux? Pour vous, monsieur le sournois, qui faites le honteux, allez vous rhabiller bien vite, et que je ne vous rencontre nulle part de la soirée. On va bien s'ennuyer. M'ennuyer? J'emporte à mon front du bonheur pour plus de 100 années de prison. Qu'as-tu? mettent-ils au front de si heureux? Premier chapeau d'officier, sans doute. Aux enfants, tous servent de hochets. Vous ne nous restez pas, comtesse? Vous savez que je ne me porte pas bien. Un instant, pour votre protégé, ou je vous croirai en colère. Voici les deux noces. Asseyons-nous donc pour les recevoir. La noce. Il faut souffrir ce qu'on ne peut empêcher. Des épingles partout. C'est un billet doux qu'une fillette aura glissé dans sa main en passant. Il était cacheté d'une épingle qu'il a outrageusement piqué. Un objet aimé, tout est cher, le voilà qui ramasse l'épingle. C'est une drôle de tête. Monseigneur, c'est Monsieur Basile, entouré d'un village entier parce qu'il chante en marchant. Qu'il entre seul. Ordonnez-moi de me retirer. Je n'oublie pas votre complaisance. Suzanne, elle reviendra. Allons changer d'habit. Il ne vient jamais que pour nuire. Je m'en vais vous le faire déchanter. Cela justement qu'il a des ailes au dos. Notre ami, qu'entendez-vous par cette musique? Qu'après avoir prouvé mon obéissance à monseigneur en amusant monsieur qui est de sa compagnie, je pourrai à mon tour réclamer sa justice. Monseigneur, il ne m'a pas amusé du tout avec ses guenilles de chansonnettes. Enfin, que demandez-vous? Vas-y. Ce qui m'appartient, monseigneur, la main de Marceline. Et je viens m'opposer. Y a-t-il longtemps que monsieur n'a vu la figure d'un fou? Monsieur, en ce moment même. Puisque mes yeux vous servent si bien de miroir, étudiez-y l'effet de ma prédiction. Si vous faites mine seulement d'approximer, madame... Mais pourquoi? Laisse-le parler. Oh, faut-il que deux amis... Nous, amis? Quelle erreur. Parce qu'il fait de plaisir de chapelle... Elle eut des vers comme un journal. Un musicien de guinguette... Un postillon de gazette... Cuistre d'oratorio... Jockey diplomatique... Insolent, tous les deux. Il me manque en toute occasion. J'ai bien dit si cela se pouvait. Disant partout que je ne suis qu'un sot. Vous me prenez donc pour un écho. Tandis qu'il n'est pas un chanteur, que mon talent n'est fait briller. Brailler. Il le répète. Et pourquoi non si cela est vrai? Es-tu un prince pour qu'on te flagorne? Souffre la vérité, coquin, puisque tu n'as pas de quoi gratifier un menteur. ou si tu la crains de notre part, pourquoi viens-tu troubler nos noces ? M'avez-vous promis, oui ou non, si dans 4 ans vous n'étiez pas pourvu, de me donner la préférence ? Sous quelles conditions l'ai-je promis ? Que si vous retrouviez un certain fils perdu, je l'adopterais par complaisance. Il est trouvé ! Que ça ne tienne ! Et le voici ! Je veux le diable ! Et vous renoncez à sa chère mère ? Qu'aurait-il de plus fâcheux que d'être cru le père d'un garnement ? D'en être cru le fils ? Tu te moques de moi ? Dès que je sais de quelque chose ici, je déclare moi que je n'y suis plus de rien. Donc à la fin, j'aurai ma femme ? Moi, ma maîtresse. Et tout le monde est satisfait. Qu'on dresse les deux contrats ! J'y signerai. J'ai besoin d'une heure de retraite. Et moi, je vais aider à ranger le feu d'artifice sous les grands marronniers, comme vous l'avez dit. Quel saut a donné à tel homme ? Wilman. Et la comtesse qui est incommodée ? D'où le verra-t-elle, l'artifice ? C'est sur la terrasse qu'il le faut, vis-à-vis son appartement. Tu l'entends, Duc Soleil ? La terrasse ! Sous les grands marronniers. Belle idée. Les allaitants incendient mon rendez-vous. Quel excès d'attention pour sa femme. Devant mon fils. Je veux m'acquitter avec toi. Un sentiment mal dirigé m'avait rendu injuste envers ta charmante femme. Je la supposais d'accord avec le comte, quoique j'eusse appris de Basile qu'elle l'avait toujours rebuté. Vous connaissiez mal votre fils de le croire ébranlé par des impulsions féminines. Je puis défier la plus rusée de m'en faire accroire. Il est toujours heureux de le penser, mon fils, la jalousie. N'est qu'un sot enfant de l'orgueil ou c'est la maladie d'un fou. Oh, j'ai là-dessus, ma mère, une philosophie imperturbable. Et si Suzanne doit me tromper un jour, je le lui pardonne d'avance. Elle aura longtemps travaillé. Hé hey, ma petite cousine, tu nous écoutes. Oh, ça non. On dit que c'est malhonnête. Ça est vrai, mais comme c'est utile, on fait souvent aller l'un pour l'autre. Je regardais si quelqu'un était là. Déjà dissimulé, friponne. Vous savez bien qu'il n'y peut être. Qui donc ? Chérubin. Ce n'est pas lui que je cherche, car je sais fort bien où il est. C'est ma cousine Suzanne. Et que lui veut ma petite cousine ? À vous, petit cousin, je le dirai. Ce n'est qu'une épingle que je veux lui remettre. Une épingle ? Une épingle ? Et de quelle part, coquine ? À votre âge, vous faites déjà un beau métier. Vous faites déjà très bien tout ce que vous entreprenez, Fanchette. Et ma jolie cousine est si obligeante. Qui en a-t-il donc de se fâcher ? Je m'en vais. Non, je badine, tiens. Ta petite épingle est celle que Monseigneur t'a dit de remettre à Suzanne et qui servait à cacheter un petit papier qu'il tenait. Tu vois que je suis au fait. Pourquoi donc le demander quand vous le savez si bien ? C'est qu'il est assez gai de savoir comment Monseigneur s'y est pris pour te donner la commission. Pas autrement que vous le dites. Tiens, petite Fanchette, rends cette épingle à ta belle cousine et dis-lui seulement que c'est le cachet des grands marronniers. Des grands marronniers. Il est vrai qu'il a aussi ajouté « Prends garde que personne ne te voit. » Faut obéir, ma cousine. Heureusement, personne ne vous a vu. Faites donc joliment votre commission et n'en dites pas plus à Suzanne que Monseigneur n'a ordonné. Et pourquoi lui en dirais-je ? Il me prend pour un enfant, mon cousin. Eh bien, ma mère ? Eh bien, mon fils. Pour celui-ci, il y a réellement des choses. Il y a des choses. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que je viens d'entendre, ma mère. Je l'ai là, comme un plomb. Ce cœur plein d'assurance n'était donc qu'un ballon gonflé. Une épingle a tout fait partir. Mais cette épingle, ma mère, est celle qui l'a ramassée ! Jalousie, oh, j'ai là-dessus ma mère une philosophie imperturbable. Et si Suzanne m'attrape un jour, je lui pardonne. Non, ma mère, on parle comme on sent. Mettez le plus classé des juges à plaider dans sa propre cause, Et voyez-le expliquer la loi. Je ne m'étonne plus. S'il avait tant d'humeur sur ce feu, pour la mignonne, aux fines épingles. Elle n'en est pas où elle le croit, ma mère, avec ses marronniers. Si mon mariage est assez fait pour légitimer ma colère, en revanche, il ne l'est pas assez pour que je n'en puisse épouser une autre et l'abandonner. Bien conclu. Abîmons tout sur un soupçon. Qui t'a prouvé, dis-moi, que c'est toi qu'elle joue et non le comte? L'as-tu étudiée de nouveau pour la condamner sans appel? Sais-tu si elle se rendra sous les arbres? À quelle intention elle y va? Ce qu'elle y dira? Ce qu'elle y fera? Hein? Je te croyais plus fort en jugement. Elle a raison, ma mère. Raison. Raison. Toujours raison. Mais accordons maintenant quelque chose à la nature, on en vaut mieux après. Examinons, en effet, avant d'accuser et d'agir. Je sais où est le rendez-vous. Adieu, ma mère. Adieu. Et moi aussi, je le sais. Après l'avoir arrêté, veillons sur les voies de Suzanne. Ou plutôt, avertissons-la. Elle est si jolie créature. Ah, quand l'intérêt personnel ne nous arme pas les unes contre les autres, nous sommes toutes portées à soutenir notre pauvre sexe opprimé contre ce fier, ce terrible et pourtant un peu nigaud de sexe masculin. S'il allait ne pas venir à présent, mon petit rôle. Et ces vilaines gens de l'office qui ne voulaient pas seulement me donner une orange et deux biscuits. Pour qui, mademoiselle? Ah ben, monsieur, c'est pour quelqu'un. Oh, nous savons. Et quand cela serait? Parce que monseigneur ne veut pas le voir, faut-il qu'il meure de faim? Tout ça, pourtant, m'a coûté un fier baiser sur la joue. Mais que sait-on? On me le rendra, peut-être. C'est Fanchette. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Êtes-vous tous ici? Ce que tu as pressé d'y venir. Quelle heure est-il bien, à peu près? La lune devrait être levée. Mais quel noir apprêt fais-tu donc? Il a l'air d'un conspirateur. N'est-ce pas pour une noce? Je vous prie que vous êtes rassemblés au château. C'est certainement. Nous allions là-bas dans le parc attendre un signal pour ta fête. Vous n'irez pas plus loin, messieurs. C'est ici, sous ces marronniers, que nous devons tous célébrer l'honnête fiancé que j'épouse et le loyal seigneur qui se l'est destiné. Vraiment? Je sais ce que c'est. Retirons-nous si vous m'en croyez. Il est question d'un rendez-vous. Vous compterez ça pas d'ici. Nous reviendrons. Quand vous m'entendrez appeler, ne manquez pas d'accourir tous. Et dites du mal de Figaro s'il ne vous fait voir une belle chose. Souviens-toi qu'un homme sage ne se fait point d'affaires avec les grands. Je m'en souviens. Ils ont 15 épisques sur nous par leur état. Sans leur industrie, que vous oubliez. Mais souvenez-vous aussi que l'homme, quand c'est timide, est dans la dépendance de tous les fripons. Fort bien. Et que j'ai nom de Vertalure, du chef honoré de ma mère. Il a le diable au corps. Il l'a. Pour vous autres fripons à qui j'ai donné l'ordre, illuminez-moi ses entours, ou par la mort, que je voudrais tenir aux dents, si j'en saisis un, par le bras, damné brutal. Le ciel tient en joie, monsieur du marié. Oh, femme. Femme. Femme. Créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper ? Après m'avoir obstinément refusé, quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant le perfide, et moi comme un bonnet. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur. Vous vous croyez un grand génie ? Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître ! Et rien de plus ! Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter ? Bien, c'est elle. Ce n'est personne. La nuit est noire en diable, et me voilà faisant le saut métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leur mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là, d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussais-je mis une pierre au cou. Je broche une comédie dans les mœurs du Sérail, auteur espagnol. Je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tunis, de Tripoli, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrisse l'omoplate en nous disant « chien de chrétien ». Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusées, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Sitôt je vois, du fond d'un fiacre, baissez pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent. Quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil, je lui dirai que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue, et comme il faut dîner, quoi qu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse. Et que pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique. Et croyant n'aller sur les brisés d'aucun autre, je le nomme Journal inutile. Ouh ! Je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille, on me supprime et me voilà de rechef sans emploi. Le désespoir m'allait saisir. On pense à moi pour une place, mais par malheur, j'y étais propre. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquier. De Pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville. Et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison. En retenant pour elles les 3/4 du profit. J'aurais bien pu me remonter, je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde. Et 20 brasses d'eau m'en ont laissé séparer lorsqu'un dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais, puis laissant la fumée aux sceaux qui s'en nourrissent et la honte au milieu du chemin, comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville et je vise enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville. Il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet, prêt à tomber dans un abîme au moment d'épouser ma mère. Mes parents m'arrivent à la file, on se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi, non ce n'est pas nous. Ah bah qui donc ? Aux bizarres suites d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore, je dis ma gaieté sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune. Ambitieux, par vanité, laborieux, par nécessité, mais paresseux, avec délice. Orateur, selon le danger, poète, par délassement, musicien, par occasion, amoureux, par folle bouffée. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis, l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Désabusé. Sujan. Sujan. Sujan. Que tu me donnes de tourments. J'entends marcher. Voici l'instant de la crise. Oui. Marceline m'a dit que Figaro y serait. Il y est aussi. Baisse la voix. Ainsi, l'un nous écoute et l'autre va venir me chercher. Commençons. Pour n'en pas perdre un mot, je vais me cacher dans le pavillon. Madame tremble. Est-ce qu'elle aurait froid? La soirée est humide. Je vais me retirer. Si madame n'avait pas besoin de moi, je prendrais l'air un moment sous ces arbres. C'est le serein que tu prendras. J'y suis toute faite. Ah oui, le serein. J'avais une marraine que toujours adorée. Le petit page. On se promène ici. Réunions vite mon asile où la petite Fanchette, c'est d'une femme. Ah, grand Dieu! Me trompais-je? À cette coiffure en plumes qui se dessine au loin dans le crépuscule, il me semble que c'est Suzanne. Si le comte arrivait. Ah, oui, c'est la charmante fille qu'on nomme Suzanne! Hey, pourrais-je m'y méprendre? À la douceur de cette main, à ce petit tremblement qui l'a saisi, surtout au battement de son cœur. Allez-vous-en ! Si la compassion t'avait conduite exprès dans cet endroit du parc où je suis caché depuis tantôt. Figaro va venir. N'est-ce pas Suzanne que j'aperçois ? Je ne crains point du tout, Figaro, car ce n'est pas lui que tu attends. Et qui donc ? Elle est avec quelqu'un. C'est Monseigneur Fépon qui t'a demandé ce rendez-vous ce matin quand j'étais. Derrière le fauteuil. C'est encore le bas infernal. On dit qu'il ne faut pas écouter. Petit papa, obligez-moi de vous retirer. Ce ne sera pas au moins sans avoir reçu le prix de mon obéissance. Vous prétendez? D'abord 20 baisers pour ton compte et puis 100 pour ta belle maîtresse. Vous oseriez? Donc oui, j'oserai. Tu prends sa place auprès de mon seigneur. Moi, celle du comte auprès de toi. Le plus attrapé, c'est Figaro. Ce brigando. Hardi comme un fin. Oh, ciel! J'ai épousé une jolie mignonne. C'est mon seigneur. Je vais. Est-ce que vous ne redoublez pas le baiser? Voilà toujours le premier payé. Tout n'est pas gain non plus en écoutant. Entend-on quelque chose à ce page? Il reçoit le plus rude soufflet et s'enfuit en éclatant de rire. S'il s'infligeait de celui-ci, comment je ne pourrais faire un pas? Mais laissons cette bizarrerie. Elle empoisonnerait le plaisir que j'ai de te trouver dans cette salle. M'espériez-vous? Après ton ingénieux billet, tu trembles. J'ai eu peur. Ce n'est pas pour te priver du baiser que je l'ai pris. Des libertés? Coquine. Charmante. Mais quelle peau fine et douce. Et qu'il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. Oh, la prévention. A-t-elle ce bras ferme et rondelet? Ses jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie. Ainsi, l'amour. L'amour n'est que le roman du cœur. C'est le plaisir qui en a l'histoire. Il m'amène à tes genoux. Vous ne l'aimez plus? Je l'aime beaucoup. Mais 3 ans d'union rendent l'hymen si respectable. Que vouliez-vous en elle? Ce que je trouve en toi, ma beauté. Mais dites donc. Je ne sais. Moins d'uniformité, peut-être. Plus de piquant dans les manières. Un je ne sais quoi qui fait le charme. Quelquefois, un refus. Que sais-je? Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant. Cela dit, une fois, elles nous aiment. Nous aiment. Quand elles nous aiment. Et sont si complaisantes et si constamment obligeantes, et toujours et sans relâche, qu'on est tout surpris un beau soir de trouver la satiété où l'on recherchait le bonheur. Ah, quelle leçon! En vérité, Suzanne, j'ai pensé 1000 fois que si nous poursuivons ailleurs ce plaisir qui nous fuit chez elle, c'est qu'elle n'étudie pas assez l'art de soutenir notre goût, de se renouveler à l'amour, de ranimer, pour ainsi dire, le charme de leur possession par celui de la variété. Donc elles doivent tout. Et l'homme rien. Changerons-nous la marche de la nature? Notre tâche à nous fut de les obtenir. La leur, est de nous retenir. On l'oublie trop. Ce ne sera pas moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Il y a de l'écho ici. Parlons plus bas. Mais tu n'as nul besoin d'y songer, toi que l'amour a fait et si vive et si jolie. Avec un grain de caprice, tu seras la plus agaçante maîtresse. Voici Jeanne. Un Castillan n'a que sa parole. Voici tout l'or promis pour le rachat du droit que je n'ai plus sur le délicieux moment que tu m'accordes. Et comme la grâce que tu daignes y mettre est sans prix, j'y joindrai ce brillant que tu porteras pour l'amour de moi. Suzanne accepte tout. On n'est pas plus coquine que cela. Voilà du bon bien qui nous arrive. Elle est intéressée, tant mieux. Je vois des flambeaux. Ce sont les apprêts de ta noce. Entrons-nous un moment dans un de ces pavillons pour les laisser passer? Sans lumière? À quoi bon? Nous n'avons rien à lire. Il y va? Je m'en doutais, ma foi. Qui passe ici? Passez! On vient exprès. C'est Figaro. Je vous suis. Je n'entends plus rien. Ils sont entrés, m'y voilà. Vous autres époux maladroits qui tenez des espions à gage et tournez des mois entiers autour d'un soupçon sans l'asseoir, que ne m'imitez-vous? Dès le premier jour, je suis ma femme et je l'écoute. En un tour de main, on est au fait, c'est charmant. Heureusement que je ne m'en soucie guère et que cette trahison ne me fait plus rien du tout. Je les tiens donc, enfin! Tu vas payer tes beaux soupçons. Qui va là? Qui va là? Celui qui voudrait de bon cœur que la peste eût étouffé en naissant. Hey, Monsieur Figaro. Madame la Comtesse. Parlez pas. Ah, madame, que le ciel vous amène à propos. Où croyez-vous qu'est mon seigneur? Que m'importe, Nagra? Dis-moi. Et Suzanne, mon épousée, où croyez-vous qu'elle soit? Ne parlez pas. Cette Suzanne qui faisait la réserver, qu'on croyait si vertueuse. Ils sont enfermés là-dedans. Je vais appeler. N'appelez pas. C'est Suzanne? God damn. Vous paraissez inquiet. Traîtresse qui veut me surprendre. Il faut nous venger, Figaro. En sentez-vous le vif désir? Je ne serai donc pas de mon sexe. Mais les hommes en ont sans moyen. Madame, il n'y a personne ici de trop. Celui des femmes les vaut tous. Comme je le souffloterais. Il serait bien gai qu'avant la noce. Mais qu'est-ce qu'une telle vengeance qu'un feu d'amour n'assaisonne pas? Partout, vous n'en voyez point. Croyez que le respect dissimule. Je le sais si vous le pensez de bonne foi, mais vous ne le dites pas de bonne grâce. Madame, je vous adore. Examinez le temps, le lieu, les circonstances. Et que le dépit supplée en vous au charme qui manque à ma prière. La main me brûle. Le cœur me bat. Mais monsieur, avez-vous songé? Oui, madame, oui, j'ai songé. Que pour la colère et l'amour. Tout ce qui se diffère est perdu. Votre main, madame. La voilà. Ah, démonio, quel soufflet! Quel soufflet, celui-ci? Hé, hey, Kezako ne parle diable, et c'est si la journée des tapes! Et Kezako, Suzanne, voilà pour tes soupçons, voilà pour tes vengeances et pour tes trahisons, tes expédients, tes injures et tes projets! C'était ça, de l'amour? Dis donc, comme ce matin... Santa Barbara! Oui, c'est de l'amour, au délice, au bonheur, aux 100 fois heureux Figaro. Frappe, ma bien-aimée, frappe, sans te lasser. Mais quand tu m'auras dit après le corps de meurtrissure, regarde, Suzanne, avec bonté, l'homme le plus fortuné qui fut jamais battu par une femme. Le plus fortuné, bon fripon. Vous n'en séduisiez pas moins la comtesse avec ainsi trop peur, Babi, que m'oubliant moi-même. En vérité, c'était pour elle que je cédais. Ai-je pu me méprendre au son de ta jolie voix? Tu m'as reconnue. Comme je m'en vengerai. Bien rossé et garder rancune est aussi par trop féminin. Mais dis-moi, par quel bonheur je te vois là quand je te croyais avec lui? Et comment cet habit qui m'abusait te montre enfin innocence? Toi qui es un innocent de venir te prendre au piège à prêter pour un autre, est-ce notre faute à nous si voulant museler un renard, Nous en attrapons deux. Qui prend l'autre? Sa femme. Sa femme? Sa femme. Oh, Figaro, pour toi, tu n'as pas deviné celui-là. Sa femme? Aux 12 ou 15 000 fois spirituelle femelle. Sa femme. Ainsi les baisers de cette salle. Ils étaient donnés à madame. Et celui du page? À monsieur. Et tantôt derrière le fauteuil? À personne. En êtes-vous sûr? Il pleut des soufflets, Figaro. Ce sont des bijoux que les tiens. Mais celui du comte était de bonne guerre. Allons, superbe. Humilie-toi. Cela est juste. À genoux, bien courbé, prosterné, ventre à terre. Ce pauvre comte, quelle peine il s'est donnée. Pour faire la conquête de sa femme. La cherchant en vain dans le bois. Elle est peut-être rentrée ici. C'est lui. Jean, et tu l'attends? Il la cherche. Moi, je croyais. Il ne l'a pas reconnue. Achevons-le, veux-tu? Un homme au prix de la comtesse! Oh, je suis sans âme! Pardon, madame, si je n'ai pas réfléchi que ce rendez-vous ordinaire était destiné pour la nonce. C'est l'homme du cabinet de ce matin! Mais il ne sera pas dit qu'un obstacle aussi sot aura retardé nos plaisirs. Massacre mort en fer! Il jure. Pressons-nous donc, madame, et réparons le tort qu'on nous a fait tantôt, quand j'ai sauté par la fenêtre. Ah! Tu se découvres enfin! Avant d'entrer, voyez s'il n'a pas suivi. Oh! Vengeance! Ah, c'est mon maître! Ah, c'est toi! C'est là! On a quelqu'un! Quelqu'un! Je ne trouve enfin pas! C'est Pédri! Es-tu tout seul? Arrivant de Séville, à Étrée de Cheval. Approche-toi de moi et crie bien fort! Pas plus de page que sur ma main! Voilà le paquet! L'animal! Monseigneur me dit de crier! Pour appeler! Voilà! Quelqu'un! Quelqu'un, si on m'entend! Accourez tous! Figaro et moi, nous voilà deux! Que peut-il donc vous arriver? Hé! Oh hey, tu vois qu'à ton premier signal. Hé! Hey, en partant de cette porte! Et vous tous, mes vassaux, entourez-moi cet homme et m'en répondez sur la vie. Oh. Taisez-vous donc. Mon cavalier, répondrez-vous à mes questions? Et qui pourrait m'en exempter, monseigneur? Vous commandez à tout ici. Or à vous-même. Or à moi-même. C'est ça, parler. Non. Si quelque chose pourrait augmenter ma fureur, ce serait l'air calme qui l'affecte. Sommes-nous des soldats qui tuent et se font tuer pour des intérêts qu'ils ignorent? Je veux savoir, moi, pourquoi je me fâche. Oh! Arrange! Homme de bien, qui feignez d'ignorer, nous ferez-vous au moins la faveur de nous dire quelle est la dame actuellement par vous emmenée dans ce pavillon? Dans celui-là? Dans celui-ci. Ah, c'est différent. Une jeune personne qui m'honore de ses bontés particulières. Vous l'entendez, messieurs? Nous l'entendons. Et cette jeune personne a-t-elle un autre engagement que vous sachiez? Je sais qu'un grand seigneur s'en est occupé quelque temps. Mais soit qu'il ait négligé ou que je lui plaise mieux qu'un plus aimable, elle me donne aujourd'hui la préférence. La preuve. Au moins, il est naïf. Car ce qu'il avoue, messieurs, je l'ai, oui, je vous jure, de la bouche même de sa complice. Sa complice. Or, quand le déshonneur est public, il faut que la vengeance le soit aussi. C'est juste. Qui donc a pris la femme de l'autre? Aucun n'a eu cette joie-là. Tous vos efforts sont inutiles. Vous êtes perdu, madame. Et votre heure est bien arrivée. Chérubin! Mon page! Oh, et toujours le page en diable! Que faisiez-vous dans ce salon? Je me cachais, comme vous l'avez ordonné. J'ai la tête de trouver un cheval! Entends-y, toi, Antonio! Conduis devant son juge la femme qui m'a déshonoré. C'est madame que vous y cherchez. Il y a par gaine une bonne providence. Vous en avez tant fait dans le pays. Entre nous ! Vous allez voir, messieurs, que le page n'y était pas seul. Mon sort eût été trop cruel si quelque âme sensible n'en eût adouci l'amertume. Allons, madame, il ne faut pas vous faire prier pour en sortir, puisqu'on sait que vous y êtes entré. La petite cousine ! Fanchette ! On peut le sembler, monseigneur. Il est gaillard de me choisir pour montrer à la compagnie que c'est ma fille qui cause tout ce train-là. Qui la savait là-dedans? Permettez, monsieur le comte, ceci n'est pas plus clair. Je suis de sang-froid, moi. Voilà une affaire aussi trop embrouillée. Ne craignez rien, madame. Il ne vous sera fait aucun mal. J'en réponds. Marceline. Oh, quelle folie, ma mère en est. Qui pifera? Que m'importe à moi, la comtesse. Ah, la voici qui sort. Que croyez-vous, messieurs, que mérite une odieuse? Non. Y souciez-vous, un sang. Au moins, je ferai nombre. Qu'est-ce que je vois? Et pardi, c'est madame. Comment? C'était vous, comtesse? Il n'y a qu'un pardon bien généreux. Vous diriez non à ma place. Et moi, pour la troisième fois aujourd'hui, je l'accorde sans condition. Moi aussi. Il y a de l'écho ici. De l'écho? J'ai voulu ruser avec eux. Ils m'ont traité comme un enfant. Ne le regrettez pas, monsieur le comte. Une petite journée comme celle-ci forme bien un ambassadeur. Ce billet fermé d'une épingle. C'est madame qui l'avait dicté. La réponse lui en est bien due. Chacun aura ce qui lui appartient. Encore une dot. Et de trois. Celle-ci fut rude à arracher. Comme notre mariage. La jarretière de la mariée. Le rouge. La jarretière. Elle était avec ses habits. La voilà. Que celui qui la veut vienne me la disputer. Pour un monsieur si chatouilleux, qu'avez-vous trouvé de gai à certains soufflets de tantôt? À moi, mon colonel? C'est sur ma joue qu'il l'a reçue. Voilà comme les grands font justice. C'est sur ta joue? Ha ha ha! Qu'en dites-vous donc, ma chère comtesse? Ah oui, cher comte, et pour la vie, sans distraction, je vous le jure. Et vous, Dombré d'Oison, votre avis maintenant? Sur tout ce que je vois, monsieur le comte, ma foi, pour moi, je ne sais que vous dire. Voilà ma façon de penser. Bien jugé. J'étais pauvre, on me méprisait. J'ai montré quelque esprit, la haine est accourue. Une jolie femme et de la fortune. Les cœurs vont te revenir en fou. Est-il possible? Je les connais. Ma femme et mon bien mis à part, tous me feront honneur et plaisir. Thank you. Voilà, ainsi s'achève cette représentation du mariage du Figaro à la Comédie Française à Paris. Arte vous donne rendez-vous demain à Vienne pour le traditionnel concert de Noël. Au revoir, à bientôt et joyeux Noël!